Amis auditeurs, amis auditrices, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, qui s'appelait autrefois Radio Trait d'Union, et qui émet sur 107 MHz, donc on peut la capter localement, aux alentours de Remiremont et les communes voisines, disons. Et puis on peut la capter aussi, l'écouter sur Internet. Hein, voilà. Il faut taper Radio Guémozo et puis voilà, puis après on fait la suite. On peut écouter. Donc plus loin, c'est moins local que ce qu'on pense. Alors le programme de ce soir, cette mosaïque, une mosaïque d'enregistrement, Jean-Luc Mélenchon, Reims, convention de la France insoumise. Ensuite nucléaire, la bombe humaine, centrale nucléaire. Les centrales nucléaires sont des bombes, voilà. Hein. Bernard Lachaud, France insoumise. Macron protège le dictateur Al-Sisi, dictateur d'Égypte. Hein, et oui, bon. Et Pierre Rabhi, la vie avant la mort. Alors, en 49 secondes, Pierre Rabhi nous dit ce qu'il pense. Il vient de mourir. Le média, carburant en France, peuple racketté. Oui, le peuple est racketté en France, notamment sur le prix du carburant, mais pas que. Ensuite, une chanson d'Enrico Macias, tiens, juste après, Enrico Macias, Ma patrie, hein, Ma patrie. Alors, Jean-Luc Mélenchon, Je défends la langue française, ouais, Enrico Macias, il chantait en français, eh oui. Alors que les chanteurs très à la mode à cette époque-là chantaient plutôt une sorte d'anglish, je sais pas trop quoi, bon, voilà. Hein. Et puis, ben voilà, une petite revue de presse pour finir. Bonne soirée. Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez, une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavé, sans barricade, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Ah, que de choses déjà de dites. Ouh. Aujourd'hui, voyez-vous, ça se trouve comme ça. C'est la journée du refus de la misère. C'est une journée mondiale de l'ONU. Elle a lieu au moment où se produit cette chose incroyable. 26 personnes possèdent autant que 50% de tout le reste de l'humanité. Et ne croyez pas que ce soit réservé aux dictatures folkloriques et exotiques. C'est vrai dans votre pays, amis, où les fortunes se sont encore augmentées dans la crise. Ce qui vous apprend une chose, Non seulement le capitalisme crée le chaos, non seulement le capitalisme détruit la nature, non seulement le capitalisme épuise les êtres humains, mais le capitalisme est incapable de se corriger. Parce que même quand il déclenche des catastrophes, il s'enrichit dans les catastrophes. Si bien qu'il n'y a pas de régulation interne, ils sont capables de tout saccager, le sourire aux lèvres et en faisant des comptes tous les mois positifs. Comme quand cet imbécile a dit une fois « Oh, formidable, il y a des glaçons pleins de méthane à la surface de la mer. Ramassons les glaçons pour extraire le méthane. » Sans qu'il se rende compte que s'il y avait des glaçons pleins de méthane, c'est que la catastrophe climatique est commencée parce que le fond de la mer, qui est tapissé de glace pleine de méthane, est en train de remonter à la surface. Le capitalisme est incapable de se réguler. C'est pourquoi le projet politique qui est le nôtre, l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, est un programme qui répond aux deux questions. On ne peut pas résister au désastre dans une société divisée à mort par l'inégalité de richesse, et encore moins si elle est divisée à mort par des guerres de religion. La France, qui est en voie de tiers-mondisation dans tant d'endroits, après qu'elle ait été si brillante, si capable de partager dans son peuple. La France, c'est mieux qu'un autre pays, qu'une autre nation. Que la pauvreté n'est pas la marge du système, c'est son cœur. C'est le résultat du système lui-même. C'est le futur promis à la masse de la population, car tout le système est organisé pour faire un grand ramassage de ruissellement du bas vers le haut. La pauvreté est la menace, et la pauvreté, ce n'est pas qu'une affaire de pauvreté monétaire, d'argent que vous n'avez pas dans votre poche. La pauvreté, c'est vivre dans le noir. La pauvreté, c'est vivre sans chauffage. La pauvreté, c'est tous les jours se demander si on va payer le loyer ou bien l'essence, si on va payer l'électricité. Ah ben ça va, alors j'ai le temps. 53 minutes, vous êtes rares, LCI. Non, merci, ils nous retransmettaient, on m'a dit, on montre une feuille de papier blanc, quand ils arrêtent, ben ils ont arrêté. Alors moi, j'ai le temps, vous aussi, j'espère. Ben non, j'arrive à la fin. Alors, ne perdez pas de vue qui est responsable de quoi. Vous vous rappelez de cette histoire d'ISF? Comment arrêter de prendre des sous aux riches qui quand même les méritent parce qu'ils ont fait des efforts? Bon, alors quoi quand même? Un impôt archaïque. Les riches, quand ils ont des sous, tout le monde le sait, aussitôt ils courent pour les mettre dans l'entreprise, en salaire, en machine. Bon, d'accord, ils ont baissé de 10%, de 5% l'investissement au cours des 10 dernières années, ils ont augmenté leurs dividendes, mais ça va passer. Bah non, ça passe pas. Ils sont jamais gavés, vous avez remarqué? Il y en a jamais assez, il en faut encore, encore, encore et encore. Donc maintenant, voilà qu'il y a un truc qui s'appelle France Stratégie, qui n'est pas spécialement un nid communiste, mais un organe départemental, national, qui dit il y a quand même un problème, c'est que l'ISF, on n'en a pas vu la couleur dans l'investissement. Alors, monsieur Macron, c'est bien vous qui avez dit, si je retrouve mon papier, si jamais ça marche pas, il faut dire la vérité, comme il fait toujours avec un air terrible, j'assume, il faudra revoir. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir regarder l'efficacité de la mesure. Mais je vais être très clair, a dit M. Macron. Très clair, vous avez compris? Ah, à la fin. S'il est observé qu'elle n'est pas efficace, il faudra la corriger. Eh bien, vas-y, bonhomme. Parce qu'elle n'est pas efficace. Alors, vous dites, ouais, mais ça, c'est Mélenchon qui dit ça, il exagère. Ah, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez pas les faire souffrir et leur reprendre les 3 milliards tous les ans, c'est vous que ça regarde. Mais si c'est moi qui suis élu, on leur reprend. Et je vais vous dire ce que ça aurait donné, les gens. Pour que vous le sachiez, en 4 ans, ça vous aurait donné 300 000 logements sociaux. Ça vous aurait donné 280 000 places de crèche. Ça vous aurait donné la paye de 60 000 enseignants. Et le fonctionnement de 50 hôpitaux. Voilà ce que ces gens nous ont coûté. La France n'a pas les moyens d'avoir de tels riches. Nous en voulons d'autres. Cela ne nous satisfont pas. Et comme eux, ils arrivent à trouver des travailleurs moins chers, nous, on est capable de trouver des riches qui coûtent moins cher. En attendant, ils ont appauvri l'État de 100 milliards depuis M. Chirac, à coup de taxes de ceci qui a plu, à coup d'impôts de cela qui a plu, etc. 100 milliards. Et ensuite, ils viennent pleurer en vous disant « Ah bon, on vit au-dessus de nos moyens ». Non, on vit au-dessus de vos moyens, à vous. Voilà la vérité. Les 100 milliards doivent revenir dans la caisse. En commençant par l'argent du crédit recherche, qui pour l'instant a profité, devinez à quelle variété de chercheurs, les banques et la grande distribution. Voilà où est passé l'essentiel de ce crédit d'impôt. Et pendant ce temps, la recherche tire la langue et vous découvrez que les chercheurs passent des heures à remplir des papiers et encore des papiers pour expliquer quel plan, quel projet ils ont au lieu de chercher ce qui est leur métier. Et on leur demande sans arrêt ce qu'ils cherchent, parce que ce sont des rustres qui commandent. Et ils ne savent pas que le chercheur, des fois, il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il cherche quand même. Ça les dépasse. Tout pour la recherche pratique, comme ils disent. Alors ça vous donne Sanofi, qui abandonne la recherche sur les virus pour se consacrer aux molécules qui empêchent les cheveux blancs de devenir jaunes quand on les lave. Parce que mise sur le marché, 2 ans et demi, un vaccin, on ne sait pas. Voilà comment, quand la cupidité est mise au poste de commande partout, il n'y a plus de place pour l'humanité. Quelle que soit cette humanité, l'humanité du chercheur. Là, je parle de sciences physiques. Vous savez, pas un laboratoire dans le pays n'est au travail pour savoir comment on fait baisser la radioactivité des déchets nucléaires. On en a jusque-là, des déchets nucléaires. J'ai demandé ça à Jean-Marie Brome, qui est mon conseiller, je ne m'en cache pas. Il est anti-nucléaire comme pas un. Je lui dis, alors, Jean-Marie, t'es sûr ou pas? Et il me dit, sûr et certain. Pas un laboratoire. Le problème qui est posé, c'est celui de savoir comment on fait baisser la radioactivité, c'est-à-dire la fréquence de la radiation qui se produit dans cette matière. Je ne dis pas que je suis capable de le faire. Moi, mon truc, c'est la poésie. C'est pas pareil. Mais eux, c'est leur métier. Ils connaissent tout ça. Et puis moi, je me renseigne. Je lis des articles pour essayer de comprendre tout ça, pour être comme l'honnête homme du XVIIIe siècle, un peu à peu près au courant du niveau des sciences de mon époque. Mais je sais que si on leur fait passer leur temps à dire « Et dans combien de temps vous aurez trouvé la situation ?» Le gars, il dit « Débrouillez-vous sans moi. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps je trouve. » Et d'ailleurs, je ne peux pas vous dire ce que je cherche. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas en cherchant à améliorer les performances des bougies qu'on a trouvé l'électricité. La recherche fondamentale, c'est le point de passage indispensable pour nous autres Français. Nous n'avons rien d'autre que ça. Notre capacité à comprendre, à chercher, à découvrir. Et ensuite, avoir les techniciens, femmes et hommes, de très haut niveau, capables de produire les machines et de les faire fonctionner, qui nous tirent d'affaires. Et on a cette jeunesse, et on a ces techniciens autour de nous. Tout est gâché par la vie qu'on leur fait. Des jeunes gens qui achèvent des bacs plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 10, et qu'on recrute au CNRS en commençant à 1400 euros, c'est-à-dire 200 euros au-dessus du SMIC, 400 euros au-dessus du seuil de pauvreté. C'est ça la grande nation française, c'est comme ça qu'elle traite ses enfants les plus éduqués. C'est une honte. Et pendant ce temps-là, évidemment, je ne veux pas faire de mauvaises comparaisons, mais je la fais quand même. Bac plus 3 pour être capitaine de police, 2400 euros pour commencer. Tant mieux, tant mieux. Mais le chercheur... Alors on ne va pas prendre aux policiers ce qu'on va donner aux chercheurs. On va le prendre à ceux qui ont les moyens et qui ne donnent plus rien. On va dire, vous êtes simpliste, mais mes amis, c'est pas moi qui ai inventé l'économie, c'est comme ça. À un endroit, on produit, comme ils disent tous. Il faut d'abord produire avant de distribuer. Ah ben oui, bon, et quand est-ce qu'on a arrêté de produire? Dites-nous-le. Jamais, donc arrêtez de dire des bêtises. On n'a jamais arrêté de produire. Et puis après, on distribue. Donc ça passe dans les tuyaux. Il y a des prélèvements, et puis il y a d'autres qui ne sont pas prélevés, etc. Donc il y a de quoi faire. Le pays est plus riche qu'il n'a jamais été. Alors certains vont être un peu moins riches. C'est la raison pour laquelle on a dit blocage des prix. Si l'essence, si le gaz augmente, si l'électricité augmente, c'est pas à cause de la matière première, notamment l'électricité. C'est pas à cause des installations. C'est pas à cause du réseau de distribution. C'est à cause du fait qu'on a inventé d'intercaler entre tout ça et vous un marché. Ce sont des gens qui vendent de l'électricité et du gaz. Mais ils ne savent le faire qu'à une condition. C'est que l'équipement collectif le leur vende moins cher que ce que ça coûte à l'équipement collectif. Voilà comment EDF est dépouillé pour faire vivre des réseaux qui, pour finir, sont incapables de faire face à la situation et aujourd'hui vous disent, écoutez, nous, on n'y arrive plus à vous fournir au prix que vous demandez, par conséquent, allez voir EDF. C'était bien la peine. C'était bien la peine de faire toute cette histoire. Vous voyez, mesdames et messieurs, que ceux qui sont simplistes et irresponsables ne sont pas ceux que l'on désigne d'habitude. Parce que nous, nous sommes dans toutes ces circonstances, ceux qui organisent, ceux qui empêchent le désordre, ceux qui organisent la possibilité pour chacun d'accéder au bien commun, que nous, nous sommes payés, parce que ce sont les Français qui se sont payés ce réseau de distribution, ce sont les Français qui se sont payés ces barrages, ce sont les Français qui se sont payés ces voies de chemin de fer. Et si on a nationalisé, à l'époque, c'est pour une raison, c'est que ça marchait pas quand c'était pas nationalisé. Et maintenant que vous l'avez privatisé, rebelote, ça marche pas. Voilà ce qu'il faut dire avec fierté. Il y en a assez de laisser croire que la propriété collective, c'est la gabegie. La propriété collective, c'est l'ordre, la distribution, la sécurité, la visibilité pour les entreprises comme pour les êtres humains. Mesdames, messieurs, il faut que j'arrête. Nous n'avons qu'une chose à faire, tous. Ne dépendez de personne. N'attendez pas les compliments des importants, ni de la meute qui est revenue, c'est là qu'on voit qu'on est en campagne présidentielle, me japper autour des mollets. Qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau cette année? Ouah! L'année dernière, il y avait glace à la fraise ou glace à la noisette. Cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le programme qui est nouveau? Ah ben, comment nouveau? L'ancien, vous intéressez pas? Moi, vous savez quoi? J'adore ma campagne de 2016. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de me dire qu'elle est merveilleuse. Mais pourquoi ils me l'ont pas dit à l'époque? Ça m'aurait remonté le moral. Ça m'aurait donné la pêche. Ils me le disent seulement maintenant. C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est toujours quand il faut pas que ça se passe. Donc, les revoilà tous. Et ça les dérange pas. Aujourd'hui, machin fait 8%, l'autre 7%, l'autre 10%, 11%, 12%, 13%, blablabla pour cent. Qui c'est qui vous l'a dit? Bah, c'est marqué là. Hein? Où est la notice technique? Ah ben, il n'y en a pas. Ah ben si, il y en a une. J'ai pas lu. Ah mais c'est bête, il manque deux pages. Heureusement, il y a Manuel Bompard. Bompard. Il y a un sondage qui sort, deux secondes après, il y a Bompard. Et comme Bompard, il est docteur en maths, il y en a deux ou trois qui se tiennent à carreau quand ils apprennent que c'est lui qui téléphone. Où est passée la page 8, où vous dites le taux d'abstention? C'est drôle, elle y est pas. Une heure après, elle y est. Eh ben voilà. Mais trop tard, le train énorme de l'information est passé. Et les chiffres sont tombés comme des évidences, comme si c'était des faits. Ça n'en est pas. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas impressionner. Dites-vous que nous n'avons qu'une seule et unique chose à faire, qui est notre responsabilité individuelle et collective. Allez chercher les nôtres à la maison pour qu'ils viennent voter. Parce que s'ils votent, on a gagné. Parce que s'ils votent, on a gagné. Parce que s'ils votent, on a la majorité. Et maintenant, Et maintenant, c'est aux plus jeunes d'entre nous que j'ai l'intention de m'adresser pour terminer. Jeunes gens, ce monde est beau et vous méritez un monde moins moche que celui qu'il se prépare à vous laisser. Mais vous n'aurez rien du tout si vous ne faites rien. Vous n'aurez rien du tout si vous laissez aller. Vous n'aurez rien du tout si, au contraire de ce qu'ont fait vos mères et vos pères qui se sont battus, vous restiez par extraordinaire mollement alangui en attendant que ça se tasse. Parce que ça ne se tassera pas. Parce que le changement climatique est commencé et qu'il est irréversible et que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre intelligence, de votre dévouement, de votre participation au bien commun. Nous avons besoin de tout ce que vous êtes capable de nous donner et de donner à ceux d'entre nous qui ne sont plus en état de donner après avoir beaucoup donné. Nous avons besoin de votre participation vigilante, aguerrie, exigeante. Lisez les programmes jusqu'à la dernière page. Demandez-vous comment font tous ces beaux parleurs pour vous dire qu'ils vont faire le bien commun en gavant quelques-uns. Comment vous faites de l'écologie politique si vous ne combattez pas le capitalisme? Parce que, comme on l'a dit, l'écologie sans la lutte de classe, c'est du jardinage. Demandez-vous comment ils comptent faire du protectionnisme écologique avec des traités qui prévoient le libre-échange. Comment ils font pour bêler en cadence l'Europe, et juste après vous dire qu'on va interdire les produits chimiques comme le glyphosate, dont ils signent eux-mêmes en Allemagne qu'ils n'en utiliseront pas plus que de besoin. C'est ce genre d'hypocrisie que la jeune génération doit passer au Karcher, l'hypocrisie. Ça suffit, les hableurs, les beaux parleurs. Je suis prêt à venir avec mes camarades défendre mon programme page à page en expliquant comment il fonctionne, comment on fait. Nous nous sommes hissés à la hauteur de nos responsabilités. Nous sommes capables de gouverner ce pays. Nous sommes capables d'envoyer un message à la terre entière. Alors à vous, je vais lire ces quelques lignes qui viennent d'un de nos fondateurs, d'un des multiples rameaux qui nous constituent, Jean Jaurès. Voici ce qu'il dit. Écoutez sa voix lointaine. C'est elle qui déjà a été un appel au combat lorsque c'était notre tour d'être jeunes. Et génération après génération, passez-vous le message. Tenez fermement en main le fil rouge, celui que nous avons tenu et qui nous a permis d'être dans cette salle encore une fois si nombreux et un avenir pour la patrie, quand tous les autres se sont écroulés, vautrés dans le social-libéralisme, abandonnés à toutes les modes. Voici ce que dit Jean Jaurès. « Je ne demande pas aux jeunes gens de venir à nous par mode. Ce que la mode nous a donné, la mode nous les a repris. Qu'elle les garde, ils vieilliront avec elle. Mais je demande à tous ceux qui prennent au sérieux la vie, si brève même pour eux, qui nous est donnée à tous. Je leur demande, qu'allez-vous faire de vos 20 ans? Qu'allez-vous faire de vos cœurs? Qu'allez-vous faire de vos cerveaux ? Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence, mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas. Même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés aux yeux vidés sans joie, Même si le correct se nomme indifférence, même s'il parle fort, ceux qui baissent les bras, je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh, les jolis printemps, au parfum de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence. Plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui, les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres, et l'on met chapeau bas devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est aux combines. L'homme n'est qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines. Cependant qu'au lointain ricane l'argent roi, je me bats. Avec mes simples mots, avec mes pauvres armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers debout où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas, je me bats. Si longtemps que j'aurai la force, qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite, qui bat. Et quand je m'en irai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats. Comment oublier ces images de panique et de destruction? Samedi 11 mars 2011, un très violent séisme ravage le Japon. Une vague géante frappe le nord-est de l'archipel. Sur son passage, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ses réacteurs explosent les uns après les autres. En France, pour la première fois, on réalise qu'un accident grave est possible. Dans le pays le plus nucléarisé d'Europe, le gouvernement s'engage à agir. Nous devrons tirer tous les enseignements de cette catastrophe pour renforcer la sécurité de notre parc nucléaire. Nous avons décidé de livrer toutes nos centrales à un stress test. Si une centrale, je parle pour la France, ne passait pas ces tests, elle serait fermée. L'opération stress test consistera à vérifier si les centrales sont assez solides pour résister aux séismes, aux inondations et aux accidents graves. Concrètement, les 19 centrales françaises vont s'auto-évaluer. Elles seront inspectées en parallèle par l'ASN, l'Agence de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire en France. C'est le Haut Comité pour la transparence nucléaire, qui rassemble exploitants, syndicats et associations, qui sera le garant de cet audit. D'emblée, il va tirer la sonnette d'alarme. Un élément majeur a été oublié dans le cahier des charges des stress tests. C'est l'organisation du travail. Prescrit, et donc, voire plus. Ce sera également la préoccupation principale de la commission parlementaire qui va mener sa propre enquête. Nous n'avons pas reçu de réponse à ce jour, à moins qu'un fax vienne pendant ce temps. L'homme, c'est le véritable enjeu de la sûreté nucléaire. Mais ses conditions de travail ne cessent de se dégrader avec un symptôme majeur. 80% des ouvriers de maintenance viennent aujourd'hui de la sous-traitance. Michel Lallier a consacré sa vie à l'atome. Pendant 30 ans, il a été chimiste ici, à la centrale de Chinon. Au départ, on est comme tout le monde, ça fait peur. On ne sait pas ce que c'est, c'est invisible. Et donc, effectivement, il y a de l'angoisse. Mais après, travailler sur des installations qui sont tellement symboliques au niveau de la sûreté, au niveau de la sécurité, qui sont modernes, parce que c'était à l'époque, c'était très moderne. Oui, effectivement, c'est une très très forte excitation. Michel Lallier n'a jamais quitté Chinon. Il a été aux premières loges pour observer les progrès technologiques, mais aussi les transformations du travail dans le nucléaire. Au début des années 90, il a vu la sous-traitance exploser. On a vu débarquer sur le site nucléaire un tas de travailleurs qu'on ne connaissait pas. Pour beaucoup d'entre eux, mal formés. À l'époque, je parle de début des années 90, hein, on s'est vite rendu compte que beaucoup d'entre eux, c'était pas des gars du coin. C'était des gars qu'on faisait venir d'ailleurs. Mais combien étaient-ils? On ne savait pas. Comment vivaient-ils? On ne savait pas. Alors moi j'ai pris ma bagnole et puis j'ai été les rencontrer en dehors du boulot, là où ils étaient, dans leur caravane. Ben, le sujet qui a tout de suite mordu, c'était les risques. C'était les risques. C'est-à-dire qu'en définitive, on sait le nombre d'accidents du travail. 6 fois supérieur chez les sous-traitants que chez les agents EDF à l'époque. À travers son syndicat, Michel Lallier a fait de la défense des sous-traitants le combat de sa vie. Son credo, la sûreté passe par les hommes. Les conditions d'intervention, c'est-à-dire les conditions de travail de l'ensemble des salariés EDF et sous-traitants, s'est dégradée. Et de ce point de vue-là, on peut aussi considérer que la sûreté nucléaire a subi un certain nombre de coups qui font qu'il faudrait peut-être aujourd'hui regarder de plus près ces questions-là, parce que pour demain, les risques en matière de sûreté nucléaire, selon moi, viennent de là, viendront de là. Qui sont donc ces hommes qui font tourner les centrales françaises ? Moi, ce que je fais comme travail aujourd'hui sur les centrales nucléaires, c'est du montage d'échafaudage. J'étais décontamineur, j'ai fait de la mécanique, j'ai touché à tout. Notre travail, c'est apporter tout le matériel qu'il faut pour pouvoir travailler en sécurité. Nous avons voulu comprendre comment vivent et comment travaillent ces 20 000 sous-traitants de l'atome. Le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, ils font venir tout le monde en même temps, donc le même jour, et on n'a pas commencé à monter l'échafaudage. Il faut que déjà, que la personne, il monte dessus. Ils ouvrent la cocotte, ils plongent tout le monde là-dedans, ils ferment la cocotte, on l'ouvrira dans 20 jours, il faut que ce soit fini. Ils demandent de plus en plus de la rentabilité, de plus en plus de l'argent qu'il faut qu'il rentre dans la caisse, il faut aller de plus en plus vite, et avec de moins en moins de personnel, quoi. Un de ses sous-traitants nous a donné rendez-vous à 5h du matin sur ce parking. Il vient de finir sa nuit à la centrale de Penly, en Normandie. Comme la plupart des ouvriers prestataires, il s'occupe de l'entretien des réacteurs pendant qu'ils sont à l'arrêt. Stéphane Moulinas est ce qu'on appelle un nomade du nucléaire. Il travaille en 3-8 et sillonne la France depuis 6 ans, de centrale en centrale, pour les périodes de maintenance. Tous les 3 mois, il doit trouver un logement, comme ce gîte meublé où il vit seul, à 800 km de sa femme et de ses enfants. Et puis après, ça va être le bon dodo. Et parfois, comme là, je me tape un bon café bien chaud, je suis tout seul, quoi. Je parle à haute voix. Alors, je sais pas si c'est moi qui déraille ou si c'est cette vie-là qui me fait ça. Mais la solitude, ça commence à peser, quoi. Qu'est-ce qui est plus dur pour vous dans cette vie-là ? D'être loin de ma famille. Et puis... ouais, de pas pouvoir être là pour élever les enfants, pas pouvoir être là pour épauler mon épouse. Pas être à la maison, quoi. Stéphane Moulinas a longtemps été au SMIC, puis il a choisi la vie de nomade pour ses primes de déplacement. 67 euros de plus par jour pour assurer l'avenir de ses 4 enfants. On a une famille à nourrir chez nous. Bon, pour moi, c'est à Montélimar. On a une maison à payer. Bon, j'ai fait construire, j'aurais pu rester en HLM aussi, mais si je pars en déplacement, c'est pour justement construire un confort à ma famille. Il y a 6 ans encore, Stéphane Moulinas travaillait à la centrale de Cruas, près de chez lui. Quand ma société a perdu le contrat à Cruas, la société qui reprenait le marché était prête à me rembaucher, quoi. Et moi, j'ai voulu rester avec ma société, parce que, par fidélité, on va dire. Comme tous les sous-traitants du nucléaire, Stéphane Moulinas intervient dans les zones les plus contaminées des centrales. Chaque jour, il consigne les doses radioactives qu'il reçoit dans ce petit carnet. 0,610 millisieverts. Elle se mesure en millisieverts. 19. Sur l'année, vous êtes à... Grosso modo, je suis entre 11 et 12 millisieverts sur l'année, depuis le mois de janvier. On est en novembre, presque en décembre. Ça va, quoi. Et le plafond est là ? Le plafond, il était à 20 millisieverts il y a quelques années. Je crois qu'il est descendu à 18. Et notre société, nous, à 15, elle nous arrête. Et à 11, 12, 13, ils nous disent « Oh là, faut lever le pied maintenant. » C'est votre cas ? Ouais. Mais là, je suis pas encore en zone rouge, quoi. Je suis pas encore en alerte. Donc, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ou 10 ans ? La santé des sous-traitants dans le monde de l'atome demeure un tabou. Aucun chiffre officiel, pas d'études scientifiques. Les hommes sont invisibles. Pourtant, leur vie peut basculer en un instant. C'est ce qui est arrivé à Dominique Sanson. En 2007, il intervenait à la centrale de Paluel lorsque l'accident a eu lieu. En découpant un tuyau, le soudeur a été contaminé par des particules radioactives. À l'infirmerie, donc, ils m'ont décontaminé. Il leur a fallu quand même une bonne heure et demie, quand même, parce qu'on a pris plusieurs douches. Donc, ils ont commencé par la tête. Parce que la tête, j'en avais partout sur la tête, le visage. Et au bout de 2-3 lavages de la tête, donc j'ai pris 2-3 douches aussi pour me décontaminer. Et ensuite, on est passé à l'entrepôt gammamétrie. Donc, c'est pour voir si on a absorbé donc des particules, quoi. Et suite à ça, bon, donc l'infirmière m'a dit que j'ai décontaminé un terme. En temps normal, comme sur ces photos, la zone de travail doit être protégée. Il faut aussi un aspirateur pour évacuer les poussières dangereuses qui s'échappent du tuyau. Selon Dominique Sanson, rien n'était en place. Il a donc refusé d'effectuer l'opération malgré l'insistance de sa hiérarchie. Au bout de 3 jours, celle-ci a fini par installer l'aspirateur, qui s'appelle aussi déprimogène. Manque de chance, l'appareil a été débranché par erreur. Ça paraît quand même bizarre, mais pour une centrale nucléaire, mais il y a un gros manque de prise. Un gros manque de prise, malheureusement. Et il y a un collègue qui travaillait 2 étages en dessous, là où était branché mon déprimogène, avait un boulot comme nous tous, hein, très urgent à faire, m'a débranché, il s'est branché à ma place, quoi. Le temps que je me dégage, bah forcément, j'avais respiré pas mal de particules. Quoi. Donc j'étais contaminé, forcément, interne, à l'intérieur de mon corps. Le soudeur a poursuivi son employeur en justice. Il a perdu. Les termes du jugement sont clairs. En l'absence de lésions, l'événement ne peut être qualifié d'accident du travail. L'impression que j'ai, oui, c'est ça, c'est d'être pris pour un Kleenex. Quoi. On n'a plus besoin, on jette. Quoi. Les risques de la sous-traitance sont-ils suffisamment pris en compte par les autorités? C'est la question centrale des parlementaires qui poursuivent leur enquête en marge des stress tests. Depuis Fukushima, ils inspectent les centrales et ce qui les inquiète avant tout, ce n'est pas un séisme ni une inondation. Nous avons noté le recours excessif à la sous-traitance et la sous-traitance en cascade, ce qui veut dire qu'il y a un sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant. Nous avons recensé jusqu'à une cascade de 7 sous-traitances, ce qui veut dire que l'exécutant se trouve très éloigné de la commande initiale. Pour les parlementaires, la sous-traitance implique des risques non seulement pour la santé des travailleurs, mais également pour la sûreté des centrales. François Fillon avait l'embarras du choix. Août 2011, le Premier ministre promet : les stress tests ne vont pas se contenter de vérifier la solidité des centrales. L'homme sera pris en compte lui aussi. Mais le message essentiel n'est pas là. Si l'accident de Fukushima nous rappelle que le nucléaire comporte des risques potentiels, il ne doit pas occulter ses avantages considérables. Je récuse fermement les approches manichéennes dans lesquelles beaucoup voudraient nous enfermer. Entre la sortie du nucléaire et le tout nucléaire, il y a une voie responsable. La France a besoin du nucléaire. Les Français ont aussi besoin d'être rassurés sur la sûreté de leur centrale. Ça tombe mal. 10 jours plus tard, un accident vient rappeler les dangers du nucléaire. Merci d'être avec nous et tout de suite donc direction le département du Gard avec cet accident, cette explosion dans une installation nucléaire. À Marcoules, une filiale d'EDF fait fondre des déchets radioactifs dans un four à 1600 degrés. Ce 12 septembre, le four explose. Un ouvrier meurt sur le coup, un autre est grièvement brûlé. 3 de ses collègues sont blessés. Nous avons cherché à comprendre les raisons de cet accident. 2 salariés ont d'abord accepté de nous répondre, puis ils se sont rétractés par peur de faire fermer l'usine. 400 emplois menacés. Erreur humaine, course à la rentabilité, des enquêtes sont en cours pour établir les causes de l'accident. Mais une chose est sûre. Le four contenait des déchets beaucoup plus radioactifs que EDF ne l'a déclaré au départ. Une radioactivité 500 fois plus élevée, voilà ce qu'a découvert l'autorité de sûreté nucléaire, qui demande à l'exploitant des explications sur les raisons de cette sous-évaluation. À Paris, c'est à la même omerta que se heurte cet avocat. Il s'est emparé du dossier de la sous-traitance en France. Là, nous sommes dans un secteur qui a la culture du secret. Avec un corps d'inspection chargé de veiller sur la santé des travailleurs, qui lui-même est issu de ce milieu-là. Et donc, on est dans un milieu dans lequel il est extrêmement difficile de pénétrer. On s'aperçoit que l'État, véritablement, est jugé parti. Et que, au lieu de favoriser la transparence, la transmission des informations, le contrôle dans les conditions optimales, eh bien, on a le sentiment qu'au contraire, il est en train de tout verrouiller pour que la vérité n'apparaisse pas. L'avocat s'est associé à une chercheuse en santé publique. Ensemble, ils ont déjà défendu les malades de l'amiante et réussi à faire condamner, entre autres, le CEA, EDF et l'État. Leur objectif, gagner aujourd'hui la bataille du nucléaire. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 88, Voyant l'importance de l'exposition et ce que je pouvais comprendre de la littérature sur le sujet me faisait craindre la survenue de cancer 20 ans plus tard, et maintenant on y est. Il y a une étude épidémiologique qui a été faite sur une quinzaine de pays, qui était dirigée par le Centre international de recherche sur le cancer. Cette étude montre des excès de cancer tout à fait caractéristiques chez les travailleurs du nucléaire sur l'ensemble de la carrière. Leur première victoire, c'est Christian Véronneau. Sous-traitant toute sa vie dans le nucléaire, il souffre d'un cancer bronchopulmonaire. Son cas est sans précédent. Sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle. J'ai fait une rechute. Oui. Alors, les ganglions cancéreux qui sont revenus. Oui. Bon, on m'a dit de faire une radiothérapie puis une chimiothérapie en même temps. Oui. Vous avez fait les deux en même temps ? J'ai fait les deux en même temps, c'était douloureux. Hein. J'ai souffert. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous faisiez dans le nucléaire ? Je faisais de la décontamination de piscine. Cette intervention-là, vous la faisiez en combien de temps ? On était 2 heures au fond, au vrai. 2 heures au fond. Ouais, il descend de 2 heures et prend 3 millisieverts. 3 millisieverts en 2 heures. Ouais. C'est énorme, 3 millisieverts en 2 heures. Vous étiez au courant que ça pouvait impliquer des risques pour votre santé ? Non, pas du tout. Non. On n'en avait pas parlé, on n'en avait jamais parlé. Hein. Si c'était à refaire, cette vie professionnelle ? J'essaie de prendre la dose le moins possible. Ouais, c'était à refaire. Est-ce que c'est possible, ça ? Non. Les employeurs, ils connaissent le risque. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, vous n'êtes pas protégé. L'affaire va maintenant être jugée par le tribunal de Melun. Christian Véronneau entend faire condamner ses employeurs. Alors que les stress tests se poursuivent, EDF organise un exercice de crise à la centrale de Cruas dans la Drôme. La presse est conviée. Tous les enfants de l'école primaire de Cruas regroupés dans une salle, une dizaine de journalistes autour, l'exercice de crise nucléaire est en cours. EDF présente sa nouvelle force d'intervention rapide. C'est l'une de ses réponses à Fukushima. Un incident est simulé, des réacteurs en surchauffe comme au Japon. Le rôle de l'équipe de secours, rétablir l'alimentation en eau. En fin de journée, opération réussie, la centrale est sauvée. Le lendemain, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui, dans le cadre des stress tests, débarque à Cruas. Et pour la première fois, nous sommes autorisés à suivre une visite qui commence à l'aube. Michel Lallier est là, chargé de veiller à ce que les sous-traitants ne soient pas oubliés. Justement, ils se sont invités. Ils veulent profiter de l'inspection pour se faire entendre. On a appris hier qu'il y avait aujourd'hui une visite de l'ASN du Haut Comité à la Transparence. Ils viennent regarder justement dans le cadre de Fukushima, le post-Fukushima, les aspects réglementaires du site, notamment dans le cadre des séismes, dans le cadre des inondations. Donc je viens de prendre contact là avec la direction d'EDF qui nous a donné l'assurance de notre revendication. Donc on sera reçu ce matin par les inspecteurs de l'ASN. Alors, ils ont soi-disant un quart d'heure à nous accorder. Un quart d'heure ? Ah ben... Il faut bien leur titiller, leur dire, attendez, là, la sûreté, c'est l'affaire de l'homme, quoi. C'est le matériel, ok, mais c'est l'homme. Mmh. Alors, s'il vous plaît, vous allez nous écouter un petit peu. Vu que c'est 80% des activités, c'est nous qui les réalisons, ce serait temps de s'occuper de nous, quoi. De plus en plus, on est livrés à nous-mêmes. On fait des activités et on se surveille. C'est EDF n'a même plus la même mise là-dessus, quoi. Les juges sont partis, c'est formidable. Voilà, tout à fait. Le jeu de l'entreprise, qui n'est pas là pour la sûreté nucléaire, mais là pour l'argent, c'est de mettre le moins de personnel possible pour effectuer la tâche. On va encore tirer vers le bas le coût du travail et on va augmenter la souffrance au travail. C'est ça le grand problème. C'est bien, on est motivé. Impossible de filmer cette rencontre entre l'ASN et la CGT, mais nous nous sommes procuré un enregistrement sonore. L'aspect humain Je suis désolé, je ne le retrouve pas dans votre, dans votre cahier des charges. Non, mais attendez, mais à l'intérieur, il y a des hommes. Qui c'est qui réalise le travail? C'est normal. Votre rôle, c'est la sûreté. Et comment vous allez pouvoir regarder la sûreté, comment la sûreté va être menée dans les installations nucléaires si vous ne regardez pas le facteur humain? C'est juste ça. Là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas le regarder parce que ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je viens vérifier aujourd'hui, c'est si la centrale, elle respecte ses obligations aujourd'hui en termes de séisme, d'inondation, de conduite accidentelle, etc. Nous avons rendez-vous quelques heures plus tard avec les gendarmes du nucléaire. Et là encore, ce qui les préoccupe, ce sont les risques d'inondation. Actuellement, il y a un exercice en cours. Donc là, on ne le voit pas puisqu'ils sont dans une autre partie de l'installation. On est en train de vérifier que la centrale serait protégée contre une inondation externe. Vous voyez ici des protections contre l'inondation externe, donc plus de forte intensité, c'est les parties rouges que vous voyez. Ces protections-là sont en place à demeure. Mais elles ne sont pas très hautes. Ah mais elles sont dimensionnées pour s'assurer que l'eau ne pénètre pas. Après, vous avez des moyens d'évacuer l'eau par le réseau d'eau pluviale et éventuellement des stations de pompage. Apparemment, une barrière de 20 cm de haut et une grille d'égout feront l'affaire. Mais les hommes dans tout ça? C'est vrai que la question de la gestion des prestataires, la gestion des sous-traitants, est une question qui est légitime et qui, effectivement, a un impact sur la sûreté. Mais il faut savoir que EDF fasse appel à des sous-traitants ou non, ce sera lui toujours le responsable de la sûreté. Et c'est pour ça que l'ASN, depuis plusieurs années, regarde le thème des prestataires. Et actuellement, d'ailleurs, la position de l'ASN est que EDF ne surveille pas assez ses prestataires. L'ASN reconnaît ouvertement que la sous-traitance est un problème. Mais pour la direction, tout est sous contrôle. Il y a tout un travail aujourd'hui d'EDF avec ces entreprises-là pour donner de la visibilité à ces entreprises maximum. C'est avoir des contrats pluriannuels, de long terme, ce qui permet aux entreprises d'investir dans la formation, d'investir dans l'humain, justement, et de faire en sorte que ces gens-là soient professionnalisés sur des longs termes. Donc ensuite, en termes de qualité d'accueil, bien entendu, on y est très vigilant. À Cruas, on a construit, par exemple, l'année dernière, un bâtiment qui est dédié, un bâtiment de vestiaire, qui leur permet d'avoir des conditions d'installation. C'est un bâtiment neuf et idéal. Comment expliquer alors que l'ASN ait récemment rappelé à l'ordre le directeur de la centrale de Cruas? Dans ses courriers, l'autorité de sûreté exige qu'un délai suffisant soit octroyé aux sous-traitants pour qu'ils puissent réaliser leurs interventions dans de bonnes conditions. Mais il y a plus grave. Dans ce nouvel avertissement, l'ASN demande à la centrale de progresser sur les actions de surveillance des prestataires qui s'occupent de la radioprotection. 17 novembre 2011, l'opération Stress Test touche à sa fin. C'est un rapport que tout le monde va lire avec beaucoup d'attention après la catastrophe de Fukushima. Tous les réacteurs des centrales nucléaires françaises ont été passés au crible par l'autorité de sûreté nucléaire. L'ASN a terminé ses inspections. Chaque centrale a remis sa copie. Nous avons lu ces rapports avec attention. Et là, surprise. Au chapitre de la sous-traitance, aucun élément d'auto-évaluation. Seuls apparaissent les textes de politique générale d'EDF. Dans ces rapports, on ne trouve rien sur les dysfonctionnements relevés régulièrement par l'ASN dans chaque centrale. Décembre 2011, opération commando de Greenpeace qui s'introduit dans deux centrales nucléaires. On vient d'arriver là. Le dôme du réacteur nucléaire de la centrale de Nogent. 5 secondes. Et on trouve que c'est un peu facile. À Nogent-sur-Seine, les militants sont arrêtés au bout de 5 heures. Tandis qu'à Cruas, ils parviendront à rester toute la journée dans la centrale. Alors l'objectif de cette opération, il est double. Le premier, c'est démontrer la sensibilité des installations nucléaires et notamment avec quelle facilité on peut s'introduire dans une centrale nucléaire. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, il vise à montrer la faiblesse de l'audit de sécurité qui a été demandé par le gouvernement il y a quelques mois à l'autorité de sûreté nucléaire. Cet audit ne contient absolument pas une analyse des agressions externes non naturels, comme le risque terroriste, comme le risque d'intrusion ou comme la chute d'un avion sur un réacteur. En cette fin d'année 2011, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les failles du système. Pour alerter sur les risques que courent non seulement les travailleurs, mais la population tout entière. J1, au sud d'Orléans, vit entre deux centrales, celle de Dampierre et celle de Belleville. C'est ici que des ouvriers de la sous-traitance ont décidé de mener le combat. Pour Daniel Luengo et Philippe Billard, 25 ans de nucléaire, la dégradation des conditions de travail représente un réel danger pour les habitants. On connaît les risques qui sont liés à la santé et aussi pour la population. Donc on a ce truc supplémentaire qu'on n'a pas dans les autres industries, c'est-à-dire la sûreté, garantir la sûreté pour la population. Quand même, quelque part, on nous a mis dans la tête qu'on était un petit peu des Tarzans, quoi. Et ça, quand ce but-là, on ne peut pas l'atteindre, mais on peut être qu'en souffrance. Si ça continue comme ça, et si demain il arrive un accident nucléaire, on va nous dire que c'est nous, les prestataires, qui sommes responsables, parce qu'on n'a pas fait notre travail correctement. Alors que ce n'est pas ça. C'est la réalité, elle n'est pas là. C'est qu'on ne nous donne pas le temps de le faire, qu'on ne nous donne pas les moyens de le faire. Okay. C'est surtout ça. De toute façon, il faut que quelqu'un se sacrifie dans cette industrie pour que les gens prennent conscience. J'étais parti même aller me jeter carrément dans la piscine du bâtiment réacteur. Et c'est là que quand j'ai fait part à mes collègues, Philippe Billard et puis d'autres collègues, ils m'ont soutenu, qui m'ont dit non, ton combat c'est de rester avec nous, non pas te foutre en l'air, quoi. Je lui ai dit non, parce qu'on n'est pas nombreux, et puis on n'a pas fini, et puis c'est pas longtemps que tu partiras, quoi. Donc on a causé pendant un bout de temps quand même au téléphone. Ce que Daniel Luengo et Philippe Billard dénoncent depuis des années, c'est la course à la rentabilité. Les périodes de maintenance sont de plus en plus courtes dans les centrales. En 20 ans, la durée de ces arrêts de tranche est passée de 3 mois à 7 semaines. Un arrêt de tranche, ça coûte 1 million d'euros à EDF. Par jour. Par jour. Donc on en est arrivé aujourd'hui, il y a quelques années, on nous disait qu'il faut essayer de gagner une journée, voire deux journées de travail. Ensuite, il y a 5-6 ans, on nous disait maintenant il faut essayer de gagner une heure, par deux heures, trois heures. Et maintenant, on nous dit qu'il faut essayer de gagner des secondes. Donc un arrêt de tranche pour un salarié, ça va être la course contre la montre. En plein bout, on doit être 600 personnes là-dedans, dans un bâtiment réacteur. Donc, en sachant qu'il y a des échafaudeurs, des robinettiers, des calorifugeurs, il y a des jumpers, il y a tout le monde. Et on se pique les prises de courant les uns contre les autres. Parce qu'on manque de prises de courant, on manque de tout. Mais coûte que coûte, il faut qu'à la fin de la journée, le travail il soit fait. Donc on en arrive après à des situations d'engueulade entre nous, et voir, il y en a même qui se battent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement ce que vous êtes amené à faire, du coup, dans ce temps très réduit, qui peut être dangereux? C'est sur les procédures EDF. Les procédures EDF, c'est des tas de papiers. Il doit y avoir une dizaine de feuilles à remplir à chaque fois, où on se doit de cocher chaque intervention. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on coche des interventions alors qu'on ne les fait pas, quoi. Philippe Billard et Daniel Luengo se sont alliés à une association écologiste pour alerter les habitants de la région. D'accord. On parle très très peu, ou même jamais, des risques humains et des risques de défaillance humaine, des conditions de travail en centrale. On a un peu l'impression que c'est un sujet tabou. Participe à cette réunion le maire de Dampierre, le médecin du travail de la centrale de Chinon, mais également Michel Lallier, qui suit les stress tests. Le nucléaire, quand on parle des hommes, on dit d'abord, on dit deux choses. Un, il faut des compétences. Oui, bien sûr qu'il faut des compétences, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que les hommes soient placés dans les conditions qui leur permettent d'exercer ces compétences. C'est grâce aux hommes qu'on atteint le résultat. C'est grâce aux hommes qu'il y a de l'électricité qui est produite, et c'est grâce aux hommes qu'il n'y a pas d'accident. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action réelle, véridique, ni de la part des exploitants, ni de la part des pouvoirs publics, ni de la part de l'autorité de sûreté, pour que les choses changent. On va grouper les questions. Mais on va parler de la même chose. Justement, alors allez-y, et après on passe à la question. Je pense que le problème auquel on est confronté aujourd'hui est un problème éminemment politique. Parce que si effectivement, à un moment donné, on a sous-traité au sein d'EDF, c'était pour privatiser plus facilement, pour réduire le nombre des agents EDF. Donc c'est vraiment le rôle principal des politiques de faire un certain nombre de choses. L'inquiétude est telle que même des agents EDF sont venus rejoindre les sous-traitants dans leur combat. On est là aussi aujourd'hui parce que les problèmes des sous-traitants, ça nous concerne directement. Quand un sous-traitant il a la pression pour travailler, quand il ne peut pas finir son boulot en fin de semaine parce qu'il veut rentrer chez lui pour voir sa famille, ben nous, ça nous impacte directement parce que le boulot qu'il n'a pas fait ou pas pu faire surtout parce qu'il était trop pressé par le temps, ben nous, on le voit quand on va redémarrer l'installation, par exemple, en arrêt de tranche. On redémarre une installation, elle fuit de partout. Il y a des vannes qui fuient, il y a des pompes qui tournent mal, il y a plein d'aléas techniques qu'on n'avait pas il y a quelques années. Des fois, on a un doute à une étape où ce n'est pas encore, on va dire, trop pénalisant de redémonter. Mais personne ne va prendre la décision de dire, bon, là, il y a un problème, on redémonte. Parce que si jamais, par malheur, en redémontant, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, le gars, il est fusillé, quoi. Un constat que les militants partagent avec les autorités de sûreté nucléaire. Il y a 3 ans déjà, ce rapport signalait de fortes tensions lors des arrêts de tranches pour maintenance. En cause, la recherche de productivité imposée aux centrales, qui provoque des dérives propres à favoriser un accident. Quel est le prix de la sûreté de nos centrales ? Pourquoi les exploitants et l'État laissent-ils les conditions de travail se dégrader ? Un chercheur a consacré sa vie à l'étude de ces questions. Il est régulièrement appelé à former ceux qui travaillent dans les industries à risque. Sont apparus comme des échecs ou comme des semi-échecs, avec des temps de retard. Depuis des années, François Danielou le répète, l'homme doit être une priorité dans le nucléaire. Lors de la conception des premières générations de centrales, on n'a pas pensé qu'il allait falloir faire la maintenance sur ces installations. Donc on est dans des zones qui sont extrêmement mal éclairées, qui sont difficiles d'accès. Et donc les opérations de maintenance sont évidemment beaucoup plus difficiles que si, à temps, on avait intégré à ces questions-là. Donc par exemple, les gens travaillent avec très peu de lumière, ce qui risque de les amener à travailler avec des lampes électriques. Mais comme ils ont besoin de leurs mains pour travailler, on voit des situations où ils prennent la lampe électrique entre les dents, et avec le risque évidemment de se contaminer, puisque si la lampe a été posée, elle est radioactive. On aurait donc construit des centrales sans même penser qu'il faudrait les entretenir. L'homme doit s'adapter, se presser, il faut être rentable. On sait qu'il y a une ligne rouge quelque part. Mais sauf que cette ligne rouge, on ne sait pas où elle est. Hein, et qu'on s'aperçoit qu'on l'a franchie quand on l'a franchie. Le travail dans les centrales est particulièrement risqué. Mais à ce jour, il est impossible de filmer ce travail. Nous avons donc demandé à suivre une formation de sous-traitants. Ils sont électriciens, maçons, agents d'entretien. Ils viennent réviser les règles à respecter pour travailler en sécurité. Le protocole à suivre est très contraignant. Pour éviter les contaminations radioactives, il faut enfiler 2 combinaisons. 4 paires de gants, 2 paires de surbottes, et se brancher à un tuyau d'air respirable. Toute l'opération nécessite l'aide d'un assistant. Famille, la ventile en route du sac. Ah, vous l'avez pas vu ? Non. Une fois équipé, il est difficile d'avoir des gestes sûrs et précis. Pourtant, la moindre erreur peut avoir des conséquences graves. Une vis tombée dans une vanne. Un chiffon oublié dans un tuyau. Tu enlèves tes surbottes. Dans ces conditions optimales pour la sécurité, il faut près d'1 heure pour s'habiller et 30 minutes pour se déshabiller. Mais dans la réalité, les sous-traitants racontent qu'on leur demande d'aller toujours plus vite. Comme tous ses collègues sous-traitants, Philippe Nivolini connaît bien ces mesures indispensables à la sécurité. La radioprotection est son métier. EDF met énormément de protocoles par activité pour pouvoir travailler en sécurité et en sûreté. Et sur ces protocoles-là, je trouve que des fois, il y a un petit peu de... On peut dire ça de... d'étapes qui sont brûlées. Tellement on est pris dans l'activité, on ne peut pas. On va chercher du matériel, on revient. On est obligé d'aller vite, quoi. Toujours vite, vite, vite. C'est sans arrêt sous pression, il faut toujours aller vite. Ça peut certainement un jour emmener un accident, ça c'est sûr. Décembre 2011, les parlementaires arrivent au terme de leur enquête. Ils avaient formulé 3 demandes au gouvernement en matière de sous-traitance. Pas une seule n'a abouti. La matière est abondante. Le gouvernement devait transmettre une étude sur les possibilités juridiques et les dispositifs permettant de réduire ou d'éliminer le recours aux cascades de sous-traitance. On n'a rien. Le gouvernement devrait, d'ici la fin 2011, prendre des dispositions pour chaque site et un correspondant référent de la médecine du travail chargé du suivi radiologique. Pas de réponse. Le gouvernement devrait conférer une compétence d'audit à l'autorité de sûreté nucléaire pour l'habilitation des entreprises et des personnes. Pas de réponse. Hein, voilà. Personne au gouvernement nous a dit que c'était inintéressant, mais sans doute que l'année 2011 a été trop chargée pour le gouvernement. À l'usine de La Hague, un cap a été franchi en matière de sous-traitance. Dans cette région qui vit du nucléaire, Areva a voulu externaliser une activité directement liée au traitement des déchets radioactifs. Après l'entretien et la maintenance, c'est aujourd'hui un service crucial que l'exploitant entend sous-traiter. Dans la population, ce projet a suscité un tollé. Nous avons rencontré le maire de Beaumont-Hague, qui tient à nous montrer tout ce que son village doit au nucléaire. Alors là, nous sommes sur le stade de Beaumont-Hague. C'est vrai que c'est une commune de 1500 habitants, mais nos équipements par la vie associative est ouverte à l'ensemble du canton, c'est-à-dire plus de 10 000 habitants. Et vous voyez comment c'est chouette. Et vous voyez le tennis là-bas. Là-bas. Avec son clubhouse qui est en jaune, là. Voilà, on se trouve dans la piscine Océalis, qui est gérée par l'intercommunalité. Et il y a un bassin de 25 mètres, qui est en longueur là-bas, des toboggans. C'est un fait, le nucléaire a enrichi de nombreuses communes. Pourtant, même les maires de la région ne sont pas prêts à tout accepter. On est pratiquement à la limite de cette sous-traitance dans tous les domaines. La sûreté et la sécurité des installations passent par un personnel qui appartient à l'entreprise, qui est fier de son entreprise et de la garder et de la défendre. La commission locale d'information a 50% d'élus. 50% ont été unanimes à dire effectivement, faut arrêter, avec l'accident du Japon, il y a des limites à tout. Quel est donc ce service qu'Areva a voulu sous-traiter ? C'est l'unité qui gère toutes les énergies du site de La Hague. Autrement dit, tous les tuyaux sur 300 hectares. Ceux qui acheminent l'air respirable dans les tenues ventilées des hommes, mais aussi ceux qui apportent l'eau pour refroidir le combustible, cette eau qui a manqué à Fukushima. Face au projet, les salariés ont multiplié manifestations et blocages d'usines, les syndicats ont saisi la justice, qui, surprise, a donné raison aux salariés et annulé, en juillet 2011, l'externalisation du service. Motif invoqué, la formation des sous-traitants est insuffisante. Comment expliquer qu'Areva supprime brutalement un service qui fonctionne depuis 40 ans ? Donc c'est un service qui a toujours donné satisfaction ? Oui, tout à fait. C'est un service qui fonctionne normalement, qui se distingue ni en bien ni en mal des autres secteurs de l'établissement. Et du coup, pourquoi avoir souhaité l'externaliser ? Alors, le souhait d'externalisation, c'est un choix qui est technique, qui est économique, d'accord ? Parce qu'on attend de meilleures synergies et une meilleure performance. Vous avez fait, j'imagine, une étude en interne de comparaison entre garder ce service chez vous et l'externaliser. Oui. Qu'est-ce qu'elle a donné, cette étude ? C'est ce qui a été présenté au CE, c'est à minima 2 millions d'euros d'économies par an de manière récurrente. Si Areva cherche à réduire ses coûts à tout prix, c'est parce que l'État, en tant qu'actionnaire majoritaire, a fait pression. Cette lettre du ministre de l'Économie le prouve. Quelques semaines après Fukushima, François Baroin indique à Areva qu'il lui apparaît plus essentiel encore d'accélérer les efforts de redressement de la rentabilité pour obtenir une marge opérationnelle à 2 chiffres. Plus de rentabilité, c'est également l'objectif prioritaire d'EDF. Son directeur a promis en mai 2010 d'augmenter encore ce qu'on appelle le taux de disponibilité du parc nucléaire. En clair, augmenter la productivité en réduisant un peu plus la durée des arrêts de tranche. Mais la conviction de cet ancien directeur de centrale, c'est que l'intérêt de la sous-traitance n'est pas uniquement économique. Je crois que quelque part, dans l'esprit des politiques, je dirais, et des gens qui sont plus politiques, la sous-traitance, à quelque part, c'est une sorte d'externalisation du risque social. C'est plus facile quand même de faire marcher droit des prestataires que quelquefois les agents EDF qui sont un peu plus rebelles ou qui sont un peu plus revendicatifs. À La Hague, Areva a fait appel de la décision de justice. Elle persiste dans sa volonté d'externaliser son service énergie. À Cherbourg, les salariés, quant à eux, se préparent au nouvel affrontement. Philippe Launay est délégué du personnel. Il nous a donné rendez-vous chez son avocat, plus que jamais décidé à démontrer que cette sous-traitance est un facteur de risque supplémentaire. Il faudra peut-être réinsister sur le fait que ça représente, par exemple, l'alimentation électrique d'une ville de 100 000 habitants. Et, par exemple, la gestion de 30 000 vannes à connaître quasiment une par une, pour savoir si, en cas de problème sur telle ou telle installation, où intervenir, et très rapidement. Sur l'établissement, il y a déjà eu des secteurs qui ont été externalisés ou sous-traités, et malheureusement, on voit dans quelles conditions. C'est toujours au moins 10 ans, l'appel d'offres est fait par Areva, est revu régulièrement, toujours à la baisse. Et comment voulez-vous qu'une entreprise avec des salariés, un nombre de salariés qui diminue, fasse la même prestation à qualité égale qu'avec 2, 3 ou 4 salariés en plus dans ses effectifs? Je vois difficilement comment Areva peut prétendre aujourd'hui qu'elle ne sait pas faire de l'énergie, alors que sur un secteur aussi sensible, aussi dangereux, avec les précédents que l'on connaît, notamment le Japon, et il y en a eu d'autres, comment prétendre que pendant des dizaines d'années, ils auraient finalement exercé et contrôlé un secteur d'activité qui n'était pas leur cœur de métier? Janvier 2012, c'est l'heure des bilans. L'autorité de sûreté nucléaire rend son rapport sur l'opération stress test. Le message est clair. Nous sommes globalement satisfaits des rapports que les exploitants ont remis. L'ASN considère que les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffisant pour qu'elles ne demandent l'arrêt immédiat d'aucune d'elles. Dans le même temps, l'ASN considère que la poursuite de l'exploitation de ces installations, de ces 79, nécessite d'augmenter dans les meilleurs délais, au-delà des marges de sûreté dont elles disposent déjà, leur robustesse face à des situations extrêmes. Comment expliquer la position ambivalente de l'ASN ? Comme annoncé après Fukushima, elle s'est bien penchée sur la solidité des centrales. Face aux risques naturels, l'autorité de sûreté demande maintenant aux exploitants de créer un centre de crise bunkérisé et une force d'intervention rapide. Mais qu'en est-il de la sous-traitance qui avait été ajoutée in extremis au programme des stress tests? Sur ce point, l'ASN n'exige aucune mesure concrète. C'est maintenant au tour du Haut Comité pour la transparence de rendre son avis. Il est le garant du sérieux des stress tests. Que tout est parfaitement réglé. Pour lui aussi, les résultats sont satisfaisants, mais pas pour Michel Lallier, qui s'est battu pendant des mois pour que la sous-traitance soit au cœur de l'audit. Il faut interdire la sous-traitance pour certaines activités essentielles à la sûreté ou les activités qui concernent la radioprotection, etc. Or, là, on ne voit pas dans ce rapport au moins de pistes qui iraient vers cela. Donc, en définitive, l'État, aujourd'hui, s'inquiète plus de la compétitivité du nucléaire qu'il ne s'inquiète de mettre en œuvre des prescriptions réglementaires garantissant la sûreté nucléaire. À quoi ressembleront demain nos centrales ? Le nucléaire du futur sera-t-il sûr ? Nous prenons la direction de Flamanville, dans le Cotentin. C'est là que l'EPR sort de terre, le fleuron de l'industrie nucléaire française. Ce chantier devait être exemplaire, pourtant ici, l'année 2011 a été dramatique. En 6 mois, 2 sous-traitants ont trouvé la mort. Steve Lecomte avait 32 ans, il était ingénieur. Il a fait une chute sur le chantier. Sa mère s'est rendue sur place 2 jours après sa mort. Elle cherche toujours à comprendre ce qui s'est passé. Il a escaladé tous les tuyaux qui est entreposé là. On voit bien la trace de ses deux mains sur lesquelles il se serait penché pour appuyer quelqu'un, appeler quelqu'un en contrebas. Il aurait apparemment glissé. On voit une trace du pied glissant sur le dernier tuyau au bord de la trappe. Il a fait une chute d'à peu près 10 mètres. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de ce procès ? Je sais que ce sera long. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Une reconnaissance qu'il y a des erreurs faites sur des chantiers qui ont une haute importance, qu'on classe secret, qu'on cache certainement beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que nous, il nous en a paru. L'ingénieur a-t-il commis une imprudence ? Le chantier était-il mal sécurisé ? Le parquet de Cherbourg a ouvert 2 enquêtes sur ces décès inexpliqués. Mais ce n'est pas tout. En mai 2011, des ouvriers étrangers ont dû quitter le chantier précipitamment. Ils n'étaient pas déclarés par le sous-traitant qui les employait. Les 2 autres enquêtes portent plutôt sur l'organisation du travail et les règles du travail sur le chantier EPR. Est-ce que tous les accidents du travail étaient régulièrement déclarés sur ce chantier, premièrement ? Et deuxièmement, est-ce que la main-d'œuvre étrangère qui intervenait sur ce chantier intervenait de manière régulière ou non ? C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a mis au jour ces pratiques. Les inspecteurs ont ainsi découvert que 62 accidents du travail avaient été dissimulés sur le chantier de l'EPR. Comment expliquer un tel camouflage ? Jacques Thor est syndicaliste. Avec un ouvrier du chantier, il décrit un dispositif bien rodé. Il y avait un système qui faisait que l'infirmière devait alerter le chef de l'ouvrier, qui venait, en disant « Allô, t'as un accident, qu'est-ce que je fais ?» etc. Le principe, c'était « Attends, j'arrive. » Le mec descendait à l'infirmerie, il voyait le salarié en disant « Est-ce que tu veux qu'on te déclare ?» Alors, l'autre, il disait « Bah, écoute, bah oui, non. Bah, écoute, tu me signes une feuille de non-déclaration, et puis comme ça, hop, on est tranquille. » Elle n'était pas déclarée sur le truc. Et les infirmières, elles, quand même, et quand ils ont vu le système se mettre en place, ils se sont dit « Attends, on va pas tomber. » Ils ont fait une double déclaration. Ils ont fait un cahier où est relaté tout ce qui se passe, toutes les déclarations. Et l'ASN, ça a permis à l'ASN de découvrir le poteau rose, quoi. Apparemment, ces pratiques perduraient depuis des années. Bouygues avait une politique, mais qu'on a dénoncé mille fois, des fois ça nous fatigue des fois de répéter ça, parce qu'on l'a dit à tout le monde, même à Fillon, on l'a dit à Sarkozy quand il est venu, etc. En gros, c'était la pression permanente. La pression psychologique permanente sur les gars, et la pression physique, c'est-à-dire de productivité, etc. C'était travailler tais-toi. On a eu l'exemple d'un grutier, par exemple. Un grutier, il est en procédure d'ailleurs, Martin, il a refusé de faire une manœuvre. S'il juge, par exemple, que la manœuvre qu'on lui demande de faire est dangereuse pour lui-même, pour sa grue ou pour les salariés qui sont dans la manutention en bas, il dit, moi, mon droit de retrait, je ne ferai cette opération qu'à la condition que l'opération se fasse correctement. Convoqué, sanctionné, licencié. Des accidents non déclarés, du travail dissimulé, 2 morts en 2011. Visiblement, la gestion des ressources humaines n'est pas la priorité sur le chantier de la centrale modèle. Comment ne pas douter de la sûreté du futur EPR ? Le Canard enchaîné révèle en août 2011 que des anomalies ont été détectées dans les installations, comme ce trou situé dans un mur de la piscine. Un lieu hautement stratégique, c'est là que le combustible irradié doit être stocké. Un an après Fukushima, il est légitime de s'interroger sur la sûreté des centrales françaises. Si globalement les structures peuvent résister, le recours massif à la sous-traitance et l'exigence d'une productivité toujours croissante restent le point noir de la sécurité nucléaire. Aux côtés des 20 000 sous-traitants, des élus, des citoyens, des experts sont aujourd'hui convaincus que les risques sont bien réels. Chanson à fouler le ninio. Watashi wa kile ina chanson ninio. Kono yo wa bara ilo no bonbon mitai ne. Watashi no uta wa dare demo kikeru wa. Ninna watashi no sugata mo mieru wa. Chanson qui te odolidasu. Minata no shiso onishite iru kedo. Honto no ai na ante uta no daka dake yo. Monsieur le Premier ministre, depuis une semaine, les révélations se succèdent. En Égypte, la France a fourni des renseignements au régime Al-Sisi, qui s'en est servi pour se livrer à des bombardements sur des civils, des assassinats, des actes de torture, des enlèvements, des emprisonnements arbitraires. Elle l'a fait avec l'opération de renseignement Sirli, elle l'a fait en autorisant le déploiement d'une opération d'espionnage de masse financée par les Émirats arabes unis. Le président de la République savait, le ministre des Affaires étrangères savait, la ministre des Armées savait. Ils ont accepté ces crimes pour vendre des armes à un régime despotique. Ils ont osé donner la Légion d'honneur aux dictateurs. Ils ont humilié la France et discrédité sa parole. Ils font passer notre pays aux yeux du monde pour une nation hypocrite et donneuse de leçons. Vous parlez sans cesse de valeurs à défendre dans le monde et vous les bafouez sans cesse. Cette fois-ci, des documents confidentiels incontestables ont été publiés. Personne n'a osé démentir. Personne. Le gouvernement se mure dans le silence et attend que ça passe. C'est inadmissible. Monsieur le Premier ministre, expliquez-vous. L'Égypte est un partenaire de la France avec lequel, comme avec d'ailleurs beaucoup d'autres pays, nous entretenons des relations dans le domaine de la lutte antiterroriste. Et c'est donc une posture assumée au service de la sécurité régionale et de la protection des Français. Au cours des dernières années, l'implantation des groupes terroristes en Libye, qui est un pays voisin de l'Égypte, a été une source majeure de préoccupation. Dans le cadre de cette coopération contre le terrorisme, des moyens de renseignement ont été engagés. Les règles d'engagement de ces moyens répondent à des exigences strictes. Elles définissent de façon très précise la mission, et je veux être très claire avec vous, monsieur le député, les problématiques domestiques, les problèmes intérieurs qui sont absolument sans lien avec la lutte contre le terrorisme, n'entrent aucunement dans le champ de cette mission. Ces règles sont connues du partenaire et elles sont régulièrement rappelées. Alors, au vu de ces révélations, qu'avons-nous fait ? Premièrement, j'ai demandé qu'une enquête interne approfondie soit déclenchée sur les informations diffusées par la plateforme Disclose. Cette enquête doit vérifier que les règles qui avaient été fixées pour cette coopération et les mesures qui avaient été prises pour qu'elles soient appliquées ont été effectivement mises en œuvre. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que, comme vous le savez, la détention et la diffusion des documents classifiés constituent une violation flagrante du secret de la défense nationale qui met en péril la poursuite de nos opérations de renseignement. J'ai donc saisi la justice. Voilà, monsieur le député, où nous en sommes. Madame la ministre, la lutte contre le terrorisme a bon dos. Vous nous dites que les règles ont été rappelées, mais ont-elles été respectées ? Les notes confidentielles qui vous ont été remises avant la visite officielle du président de la République en Égypte stipulaient que ce n'était pas le cas. Les avez-vous reçues, ces notes ? Étaient-elles vraies ? Étaient-elles fausses ? N'avez-vous pas réagi à cette époque ? Avez-vous eu besoin d'attendre Disclose ? C'est Matignon qui a autorisé l'export d'armement, l'export de matériel d'espionnage. Ces matériels ont permis la répression des militants des droits humains, d'opposants, de personnes LGBT. Ils ont permis l'espionnage du militant Rami Chad, dont la famille est française et qui croupit en prison depuis 2 ans. La lutte contre le terrorisme vous sert de prétexte pour couvrir les pires turpitudes. C'est une politique odieuse et merci, à courte vue. Monsieur le député. Sont partis le sac au dos par un brumeux matin d'avril. Je voudrais faire un monument à tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin. Je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus. Soudain griffé d'un coup de feu, un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau à calculer le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui vont tripotent dans la vie et comptent leurs écus, à tout cela je dresserai le monument qui leur convient avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sous leur faux pli, sous leur bajoux, des marques de honte et de boue. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, moi je ne sais pas s'il existe une vie après la mort, mais je me demande s'il en existe une avant la mort. Dans le sens où on n'a même pas défini ce que voulait dire vivre. On est pris dans une espèce de fatalité qui nous manipule et qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une forme d'impasse. On vous crie par exemple que le progrès va libérer l'être humain, sauf que moi quand j'étudiais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, qu'est-ce que je découvrais ? Qu'il était incarcéré à vie. On passait de la maternelle à l'université. Ensuite, on va dans les casernes. Tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va bien sûr dans sa caisse. Et puis, on a la boîte où on stocke les vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. À toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Porché. Au programme aujourd'hui, les taxes sur les carburants, la proposition de Bruno Le Maire d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers la lutte contre le réchauffement climatique, et le plan d'investissement France 2030 annoncé par Emmanuel Macron. La mise en place d'une indemnité inflation de 100 euros pour faire face à la flambée des prix à la pompe a suscité pas mal de réactions, à gauche comme à droite. Certains affirment que le gouvernement s'enrichit grâce à la hausse des prix du carburant, notamment par le biais des taxes. Alors, est-ce vraiment le cas? On décrypte avec Thomas Porcher. À l'approche de la COP26, le gouvernement monte au créneau, puisque ministre et autres porte-parole affirment que l'État fait de la lutte contre le réchauffement climatique l'une de ses priorités. Ce fut notamment le cas de Bruno Le Maire qui, à l'occasion d'un colloque sur le changement climatique et la finance, a proposé d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers la lutte contre le réchauffement climatique. Mais que penser de cette proposition? Thomas Porcher nous livrera son analyse. Le 12 octobre dernier, Emmanuel Macron présentait son grand plan d'investissement intitulé France 2030, un plan de 30 milliards d'euros sur 5 ans visant à améliorer la compétitivité de la France. Alors, quelles sont les propositions du président de la République? On voit ça tout de suite dans l'Instant Porché. Vous croyez vraiment que l'État s'est enrichi au cours des chocs pétroliers? Demandait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, lors de l'examen du budget 2022. Pour l'opposition, la réponse est positive, puisque ces derniers prônent une baisse de la TVA sur les carburants, voire sa suppression, plutôt que la mise en place d'une indemnité inflation. À ce propos, Emmanuel Macron affirme qu'une baisse de la TVA sur les carburants coûterait bien plus cher à l'État. J'attire l'attention quand même de toutes celles et ceux qui proposent de baisser les taxes sur le carburant. La première chose, c'est que manipuler la TVA n'est pas possible en droit européen. La deuxième chose, c'est que les taxes sur les carburants, nous sommes à peu près dans la moyenne européenne. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc tous ceux qui appellent à la sagesse en termes de finances publiques seraient bien inspirés de regarder combien coûte cette baisse. Troisième élément, elle est absolument non ciblée. C'est-à-dire que quand vous baissez les fiscalités sur les carburants, laquelle n'augmente pas avec le prix, hein, elle est indéterminée, c'est la TVA qui va augmenter avec le prix. Quand vous la baissez pour tout le monde. Donc je considère que c'est plus juste et mieux ciblé. Le 12 octobre dernier, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, demandait même aux distributeurs de faire un geste en réduisant leurs marges sur les carburants. Au micro de Europe 1, le représentant des propriétaires indépendants de stations-service, Francis Pousse, affirme que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Vous avez sur le gasoil 66 centimes de TICPE, je rajoute à ça la TVA, donc on peut estimer qu'à aujourd'hui, un litre de gasoil rapporte entre 80 et 90 centimes à l'État. Bonjour Thomas. Bonjour Tania. Alors, quelle est la part des taxes dans les prix du carburant et comment se décompose le prix de l'essence ? Alors, les taxes, elles représentent entre 50 et 60% des prix du carburant. En fait, dans un prix d'un litre d'essence, vous avez en premier lieu le produit raffiné. Le produit raffiné, c'est-à-dire le pétrole qui a été transformé en carburant. Vous y ajoutez ensuite la marge des distributeurs, qui va de 1 à 4 centimes en estimation. Et puis après, le reste, c'est des taxes. Alors, vous avez la TICPE, qui est une taxe additive, que l'on rajoute comme ça au prix du produit. Puis ensuite, vous avez une TVA sur le produit, qui est une taxe proportionnelle, 20% du produit. Et vous avez une TVA sur la TICPE, c'est-à-dire une taxe sur la taxe, qui est également de 20%. Tout ça fait après un prix du pétrole, un prix des carburants, pardon, où vous avez à peu près entre 50 et 60% de taxes. Plus les prix du pétrole augmentent, plus la part du carburant augmente et plus la part des taxes, en fait, en réalité, dans la proportion, se réduit. Mais grosso modo, vous avez une grosse taxe additive, TICPE, et une TVA sur le produit, une TVA sur la TICPE. Allons droit au but. Est-ce que l'État s'enrichit avec la hausse des prix du carburant ? Oui, il s'enrichit parce que quand il y a une hausse des prix du pétrole, vous avez une hausse de la part du produit dans le prix du carburant. Et comme vous avez une TVA sur ce produit carburant, et ben vous avez effectivement l'État qui va avoir beaucoup plus de TVA quand les prix du pétrole augmentent. C'est indéniable. Donc il y a une partie mécaniquement qui revient plus fortement à l'État quand les prix de carburant augmentent, qui sont dus à la hausse souvent des prix du pétrole. Et finalement, quelle fiscalité faudrait-il mettre en place justement pour que à la fois les prix soient plus justes et qu'on puisse lutter aussi contre le réchauffement climatique ? C'est ça la vraie question. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a 50 à 60% de taxes sur un produit. Un produit qui est essentiel pour la majorité des Français. Le problème, c'est que cette taxation est extrêmement injuste. C'est que quand vous payez 60% de taxes sur un litre d'essence, celui qui la paye, qu'il soit milliardaire ou le plus pauvre de France, il payera la même taxe sur son litre d'essence. Donc c'est une taxe qui est foncièrement injuste. Elle ne prend pas en compte le type d'utilisation de la voiture, elle ne prend pas en compte la zone géographique où vous vivez, parce que prendre sa voiture à Paris, c'est pas la même chose que de la prendre en Meurthe-et-Moselle. Vous avez moins de transport en commun. Donc c'est une taxe qui est injuste. Et nous avons aujourd'hui les mêmes prix de l'essence qu'il y a 10 ans. Donc on aurait pu mener une réflexion sur la fiscalité des carburants, puisque tous les indicateurs, toutes les études montrent que à terme, les prix des carburants, mais toutes les consommations d'énergie vont augmenter parce que les prix du pétrole augmentent, les prix du gaz augmentent et même les prix de l'électricité, qu'ils soient nucléaires ou autres, sont amenés à augmenter. Le nucléaire pour des raisons de coût, notamment avec les EPR, etc. Et les renouvelables également. Donc, il va falloir avoir une fiscalité qui soit moins punitive, voilà, et qui soit plus incitative. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Moi, ce que j'avais proposé il y a 10 ans, que j'avais déposé dans le débat public, que j'avais proposé à qui viennent de mes travaux scientifiques et que j'avais publié d'ailleurs dans une tribune dans Le Monde, c'est que j'avais proposé déjà de baisser toute la partie additif de la taxe, c'est-à-dire la TICPE. Là, vraiment, il n'y a rien de plus injuste. Hein. Vraiment, vous êtes un smicard, vous payez la même qu'un milliardaire. Donc, cette taxe-là, il faut la diminuer au maximum. Voilà, la diminuer, on la met à 0,5, ce qui fait drastiquement baisser le prix du carburant. Ça, c'est la première des choses. Sauf que c'est une perte de rentrée fiscale. Alors, comment on fait pour compenser cette perte de rentrée fiscale? Bon, il n'y a pas le choix, on est obligé de remettre une autre taxe. Sauf que, plutôt que de mettre de la TVA, plutôt que de mettre une TICPE élevée, il faut retirer la TVA, baisser la TICPE, et là, après, mettre, en s'inspirant de ce qu'on avait avant, une éco-vignette. Vous savez, à l'époque, on avait une vignette qui était très utile, qui a permis de développer, de faire en sorte que notre parc automobile ne soit pas composé de grosses motorisations à l'époque. Elle a été retirée. Moi, je propose qu'on remette un type d'éco-vignette qui prenne en compte deux éléments. La première chose, la situation géographique. Il faut absolument aujourd'hui que la fiscalité soit différenciée en fonction des endroits où l'on vit. À Paris, le taux d'utilisation de la voiture, c'est 14% parce que nous avons des transports en commun. Quand vous allez en petite couronne, vous êtes déjà à 50%. Quand vous allez en grande couronne, vous êtes à plus de 60%. Quand vous êtes en province, vous êtes quasiment partout, sauf dans quelques centres-villes, à pratiquement 80% d'utilisation de la voiture pour aller travailler. Ce n'est pas un choix personnel, en fait, c'est parce que c'est une contrainte. En réalité, à Paris, vous avez le choix entre transport et voiture, quand dans d'autres endroits, vous n'avez pas le choix, vous n'avez que la voiture. Donc, il faut absolument qu'aujourd'hui, la fiscalité prenne cet état de fait et qu'elle soit beaucoup moins chère dans les endroits où vous n'avez pas le choix et beaucoup plus chère dans les endroits où vous avez le choix. Celui qui doit payer, c'est celui qui utilise son 4x4 en centre-ville. Et ensuite, il y a une part de cette fiscalité qui pourrait être aussi liée à la puissance de la motorisation de la voiture. De fait, si vous êtes, grosso modo, quelqu'un qui vit à Paris et qui avait un 4x4, là, vous devez être taxé plein pot. Si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de transport, et vous êtes dépendant de votre voiture, et vous avez une consommation, une voiture qui consomme peu ou moyennement, vous devez payer très peu de fiscalité. Donc cette éco-vignette, en fait, elle se ventilerait en allant de 25 euros par an pour celui qui vit dans un territoire où il n'y a pas de transport et a une voiture avec un moteur en dessous de, autour de 4-5 chevaux, et elle irait jusqu'à un peu plus de 200 euros pour quelqu'un qui a un 4x4 et qui vit à Paris. Mais en même temps, quelqu'un qui a un 4x4 et qui vit à Paris peut facilement payer 200 euros par an de fiscalité. Et ça, ça permettrait de quoi ? De baisser les prix de l'essence à la pompe, tout en ayant une opération neutre fiscalement pour l'État, c'est-à-dire en ayant les mêmes recettes budgétaires. Donc, grosso modo, il faut remettre la fiscalité des carburants à plat pour qu'elle soit plus juste, voilà, plus juste et beaucoup plus progressive, voilà, pour qu'elle permette aux gens de ne pas être impactés en fonction de là où ils habitent, mais aussi donner une part de responsabilité aux consommateurs en l'incitant à acheter des véhicules moins polluants. Or, aujourd'hui, la fiscalité, elle ne répond à aucun de ces défis, c'est une fiscalité qui est juste punitive, qui s'ajoute à un prix du carburant, sans tenir compte des différences de revenus, sans tenir compte des automobiles que nous achetons, sans tenir compte des inégalités géographiques. Donc il faut la remettre à plat. Et ça, c'est des débats de fond qu'on devrait avoir pour la campagne présidentielle. Le ministère de l'Économie et des Finances n'est pas contre le climat. Il est engagé totalement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est en tout cas ce qu'affirme Bruno Le Maire. À l'occasion d'un colloque sur le changement climatique et la finance, le ministre de l'Économie a proposé d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers la lutte contre le réchauffement climatique. Le climat justifie que nous réfléchissions à nous affranchir de cette règle de non-affectation des recettes. La transition écologique doit nous obliger à repenser nos habitudes. Elle doit nous obliger à revoir les dogmes les mieux établis. Je pense qu'affecter les recettes fiscales sur les énergies fossiles, au seul financement de la transition écologique, serait un gage de transparence et d'efficacité. Si nous garantissons à nos compatriotes que chaque euro de recette fiscale sur l'essence, sur le diesel, sur le gaz, sur le fioul, sera affecté en toute transparence et à l'euro près à la lutte contre le réchauffement climatique, je suis convaincu que cela facilitera le financement de la transition écologique et rendra la fiscalité actuelle plus acceptable. Alors Thomas, justement sur la proposition de Bruno Le Maire d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers le financement de la transition énergétique, le journal Les Échos pointait une idée hétérodoxe. Est-ce que c'est réellement le cas finalement ? Moi, ce qui me fait rire, c'est que, en fait, les libéraux, hein, on va dire, pour les appeler comme ça, ils arrivent toujours 10 ans après la guerre, 10 ans après la bataille, avec des propositions qui ont été portées depuis très longtemps, mais vraiment depuis très longtemps, par des associations ou des intellectuels, qu'on va dire, j'aime pas dire de gauche, mais bon, voilà, depuis très longtemps. Et eux, à l'époque, c'était absolument impossible de faire ça. Et là, ils arrivent avec cette idée, comme si c'était la meilleure idée du monde, comme si c'était eux qui l'avaient inventée, alors qu'elle a été portée depuis des années. Cette question de taxer les énergies fossiles pour financer la transition énergétique, c'est dans le débat, on va dire, depuis, je ne sais pas moi, une vingtaine d'années, hein, à peu près. C'est-à-dire, allez, on va dire un peu moins 16 ans, pour être gentil avec Bruno Le Maire. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? On avait un prix du pétrole, vous savez, dans les années 90, entre 1995 et 2002, hein, on avait un prix du pétrole qui oscillait autour de $20. Donc, ce n'était pas grand-chose, voilà, $20. Donc là, les prix des carburants, de l'essence et tout, ça ne comptait pas à l'époque. Hein. Il y avait l'aspect climatique qui commençait à émerger, hein, l'aspect pollution, mais l'aspect du coût, c'était pas grand-chose, parce que le pétrole valait pas très cher. Puis à partir de 2003-2004, le prix du pétrole a commencé à augmenter. Il est passé de 20 à 60, à 80, et puis il a atteint son sommet en 2008, hein, où on avait un prix qui a été jusqu'à $148. Vous voyez, à l'époque, les compagnies pétrolières ont vu, année après année, leurs bénéfices explosaient. Je veux dire, les plus grandes majors, dont Total fait partie, Exxon, etc., en 2008, ont tous fait des bénéfices supérieurs à $20 milliards. Vous voyez ? Avec Exxon qui faisait $45 milliards de bénéfices. À l'époque, personne, y compris chez nous, puisqu'on avait Total qui faisait un bénéfice record, personne ne s'est dit, tiens, bah, y a une manne qui arrive là, les prix du pétrole augmentent, hein, c'est une manne, on pourrait taxer ça, et puis réinvestir ça dans la transition énergétique, dans le renouvelable ou ailleurs. Personne n'a pensé à ça. À l'époque, il ne fallait surtout pas toucher au profit. Et aujourd'hui, là, 10 ans après, hein, plus de 10 ans après, c'était en 2008, Bruno Le Maire, il arrive avec son idée, tout le monde trouve ça révolutionnaire. Donc oui, c'est mieux que rien, bien sûr, taxer effectivement les bénéfices liés aux énergies fossiles que vont faire Total, etc. C'est une bonne idée. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ce type de fiscalité n'est pas suffisante. Loin de là, on est très loin du compte pour, comment vous dire, lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Donc c'est une bonne idée qui arrive tardivement. Pourquoi pas avoir des fonds supplémentaires venant de la taxation de gens qui utilisent de l'énergie fossile? Oui, pourquoi pas, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Finalement, quel type de proposition aurait été à la hauteur? Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas, quand on voit les différents rapports du GIEC, juste corriger l'économie. Là, en fait, quand on met une taxe, on corrige l'économie. Alors, on prend un peu, allez, il continue à produire des énergies fossiles, on prend un petit peu de cette augmentation, on va dire, des prix du pétrole, de cet effet prix sur les bénéfices pour le réinvestir ailleurs, ça ne suffit pas. Quand on regarde, en fait, les derniers chiffres, hein, qui sont publiés dans des revues académiques, hein, il faudrait laisser sous terre 60% des réserves prouvées de pétrole et de gaz et 90% des réserves prouvées de charbon. C'est-à-dire, réserves prouvées, c'est des réserves qui sont accessibles. Ce n'est pas des réserves probables. Vous savez, quand on va faire un trou en Arctique, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, c'est des réserves probables. Quand on fait un trou en Guyane, là, il y a quelques années, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des réserves probables qu'on va estimer avec ce forage. Là, on parle de réserves prouvées qui sont tout de suite accessibles. Et bien, dans les réserves prouvées, qui comptent dans les bilans en actifs des compagnies pétrolières, qui les permettent de se valoriser sur les marchés financiers, il y a 60% de ces réserves qui ne pourront pas être consommées. 90% qui ne pourront pas, de charbon qui ne pourront pas être consommés, qui doivent rester sous terre. Donc là, il y a un jeu de dupes. Des compagnies se valorisent, disent qu'elles ont des réserves, disent qu'on a du pétrole pour tant d'années, mais on ne pourra pas l'utiliser, sauf si on est climato-sceptique. Dans ce cas-là, il faut le dire. Donc là, la vraie question que Bruno Le Maire devrait poser à nos compagnies, à nous, nationales, Total par exemple, c'est qu'est-ce qu'il compte faire de ces réserves prouvées qu'il ne va pas utiliser? Ça, c'est un vrai stress test. Et puis après, il y a des investissements. Les banques qui financent des investissements futurs. Là, quand on se demande s'il y a du pétrole en Arctique, il y a notre compagnie nationale française. Elle a des financements pour faire des forages. Quelle banque finance ça? Il faut interdire aux banques de financer des énergies fossiles. Pas un euro devrait aller dans le financement d'énergies polluantes aujourd'hui. Parce que la situation est dramatique. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le GIEC qui le dit. Donc voilà, on n'en est plus à la taxation pour corriger un petit peu le modèle. On en est vraiment à des mesures drastiques d'interdiction aujourd'hui. L'incitation, c'est fini. Aujourd'hui, on doit aller sur l'interdiction. Surtout que là, avant la prochaine COP qui va se tenir dans quelques jours, on se rend compte que les contributions faites par les pays ne sont pas du tout au niveau. Que là, on est sur une trajectoire de 3 degrés, vous voyez, et qu'on devrait être en dessous normalement de 2, voire 1,5. Donc il va devoir y avoir une vraie révolution du modèle économique si on veut changer les choses. Donc on n'est plus dans l'ajustement là, on est dans le grand demi-tour. Et ce que propose Bruno Le Maire là, c'est toujours de l'ajustement. Alors même que là, nous faisons courir à l'humanité un des plus gros risques en réalité. C'est un saut dans le vide que l'on fait, vous voyez. Et comme nous n'avons qu'une planète où vivre, on n'a pas le choix de faire autre chose. Donc il faut vraiment aller beaucoup plus loin que ces propositions. Et le fait que certains journaux disent que c'est hétérodoxe, ça m'étonne. Parce que oui, c'est peut-être hétérodoxe pour des libéraux, mais ça fait des années que des gens disent qu'il faut taxer les revenus fossiles. Mais même, ça fait des années, dans les premières COP, la COP 3, que certains disaient qu'il fallait laisser une partie du pétrole sous terre pour des raisons climatiques. Voyez, et donc c'est des questions aujourd'hui que l'on voit dans des revues académiques, des débats qui sont discutés dans des revues académiques. Donc il faut aller vraiment plus loin, il faut aller beaucoup plus loin que ce que propose Bruno Le Maire. Le président de la République en est convaincu. Le plan d'investissement France 2030 permettra à la France de retrouver sa grandeur et son rayonnement. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé lors d'une présentation en grande pompe, réunissant étudiants, chefs d'entreprise ou encore investisseurs. D'abord, la France a longtemps pensé qu'elle pouvait se désindustrialiser en continuant à être une grande nation d'innovation et de production. Je crois que maintenant, il est établi que c'est faux. Quand on se désindustrialise, on perd de la capacité à tirer de l'innovation dans l'industrie, et donc de l'innovation même incrémentale, et c'est celle-ci qui nourrit le dialogue avec l'innovation de rupture. Et si on ne réindustrialise pas le pays, il n'est pas vrai qu'on pourra redevenir une grande nation d'innovation et même de recherche. Dans le détail, sur ce plan de 30 milliards d'euros, le gouvernement propose par exemple d'affecter 8 milliards d'euros au secteur de l'énergie afin de construire, je cite, « une France décarbonée et résiliente », 4 milliards d'euros seront affectés au transport du futur ou encore 3 milliards d'euros au secteur de la santé. Alors Thomas, que penser du plan d'investissement France 2030 ? Là, on a eu l'impression vraiment qu'Emmanuel Macron nous a fait un catalogue où il a dit faut investir. Alors, quand on regarde dans le nucléaire, dans le spatial, dans l'agriculture, dans la voiture électrique, dans les énergies renouvelables, le mec, il a fait un catalogue de 10 secteurs où il fallait investir. Alors, il veut investir 30 milliards. 30 milliards sur 8 ans. Je crois qu'en termes d'ambition, avec ces 10 secteurs à développer, vraiment, mais tout hydrogène, enfin vraiment, tout y est passé. Et la somme qui est mise, si on voit un peu les enjeux qu'il y a derrière, on voit très bien que ça va être du saupoudrage. Alors, il dit oui, mais c'est de l'argent public, le privé va prendre. Mais quand même, on est très loin du compte. Quand vous regardez, par exemple, aux États-Unis, quand ils y vont franchement. Vous regardez les entreprises d'Elon Musk, qui couvrent un peu tout le spectre, enfin, qui couvrent 3 des objectifs, en fait, en tous les cas, sur les disques que Macron a dit. Vous regardez Tesla, SolarCity et SpaceX. C'est trois entreprises seulement. Elles ont reçu de l'État américain pratiquement 5 milliards d'aides et de subventions indirectes. Là, il veut mettre 30 milliards pour 10 objectifs, 10 grosses filières. Là, on parle de 3 petites entreprises qui reçoivent de l'argent comme ça de l'État américain, directement ou indirectement. Vous regardez, par exemple, Tesla avait un programme, elle a reçu un prêt garanti de l'État de 400 millions d'euros. Une boîte où il y avait une autre entreprise du solaire qui n'appartenait pas à Elon Musk, qui s'est d'ailleurs écroulée, qui a reçu, pareil, un prêt de 400 ou 500 millions garanti par l'État aux États-Unis. Donc les Américains le font, mais ils le font dans des proportions complètement différentes. Là, à 30 milliards, OK, c'est mieux que rien, mais 30 milliards sur ces 10 grands objectifs, ça ne va pas faire grand-chose par an. Donc moi, c'est juste un effet d'annonce avec du saupoudrage. Et puis surtout, ça fait un peu catalogue. On ne voit pas non plus l'articulation entre ces différentes filières. Si on veut qu'il y ait un État stratège, je veux dire, il faut qu'il y ait une articulation entre les filières industrielles entre elles et aussi comment ces filières industrielles répondent à un type de consommation. Vous voyez, c'est ce qu'on avait fait avec le plan du nucléaire à l'époque, c'est ce qu'on a fait avec la SNCF à l'époque, c'est ce qu'on a fait avec le rail, enfin voilà. Et là, on a l'impression qu'il y a un catalogue comme ça, hydrogène, agriculture, renouvelable, spatial, avion, aviation, et puis on ne voit pas trop le lien, et puis on leur donne 30 milliards, qu'on se poutre comme ça, à droite et à gauche, qui est largement suffisant. C'est toujours mieux que rien, mais c'est plus pour moi de la com' qu'un véritable plan avec un État stratège derrière. Donc j'ai bien peur qu'au bout du compte, il n'y ait pas de grande différence. Parce qu'il faut bien avoir en tête quand même que c'est l'État qui innove. C'est l'État qui innove. Les innovations de rupture, toutes les innovations de rupture, c'est l'État. Les petites innovations de process, là, c'est les entreprises. Mais les grosses innovations, c'est l'État. Pourquoi ? Parce qu'en chaîne, en amont de la chaîne d'innovation, personne ne prend un risque sauf l'État. Donc l'État doit mettre le paquet. Et après, c'est le privé qui reprend. Or là, on voit qu'on est dans le saupoudrage et donc il n'y aura pas ces innovations de rupture qui sont recherchées dans ce plan normalement. Emmanuel Macron a parlé de plusieurs secteurs, justement. Est-ce que c'était à l'État de choisir ces secteurs stratégiques et d'investir finalement dans ces secteurs? Est-ce que ce n'était pas au secteur privé de le faire? C'est ce que vont dire les libéraux. Les libéraux disent « Ah, mais l'État, il ne sait pas faire ». Les libéraux disent ça toujours. L'État, il ne sait pas faire, c'est aux entreprises de choisir là où elles veulent investir. Sauf qu'ils oublient quand même de dire que beaucoup d'entreprises sont tenues par les actionnaires. Et les actionnaires veulent des résultats de court terme et pas de long terme, et que l'innovation nécessite parfois des investissements qui vont prendre des dizaines d'années. Vous voyez, vous regardez un exemple simple. Vous regardez l'iPhone. L'iPhone, c'est américain. C'est un smartphone. Hein. C'est pas un téléphone simple. Pourquoi c'est un smartphone? Parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a la reconnaissance vocale, parce qu'il y a l'écran tactile, parce qu'il y a le GPS. D'accord. Qu'est-ce qui a inventé? Enfin, comment ont été financées ces innovations? Internet. C'est public, ministère de la Défense américain, voilà, l'ARPANET. Le Siri, la reconnaissance vocale, c'est pareil, c'est militaire, dépense publique. L'écran tactile, c'est un professeur et son étudiant qui ont eu des financements publics pour le faire, vous voyez. Et le GPS, c'est pareil. Donc, partout, en fait, où il y a des fortes innovations, celles qui changent notre vie, vous avez l'État qui a investi derrière. Et c'est pareil en France avec le TGV, c'est pareil avec une partie du nucléaire, c'est pareil avec le Concorde, même si ça a été un échec, c'était des investissements publics. Donc si en amont de la chaîne d'innovation, vous êtes déjà un petit peu pingre sur ce que vous allez donner, vous saupoudrez à droite à gauche, vous n'aurez pas ces innovations. Le TGV n'aurait pas existé sans des fonds publics qui, en amont, financent ce type de projet. Internet n'aurait pas existé sans ça. Donc, ce n'est pas Google qui a inventé Internet, ce n'est pas Steve Jobs qui a inventé le smartphone. Ils ont récupéré des innovations financées majoritairement par des fonds publics. Et donc, il faut avoir ça en tête. Une fois qu'on a ça en tête, on sait que voilà, il faut accepter déjà de financer les choses qui peuvent être des échecs, le Concorde chez nous, mais aussi l'entreprise du solaire que j'ai citée, américaine, qui a reçu des prêts de 500 millions et qui a fait faillite, hein, c'est la vie. Mais il faut aussi accepter que parfois, quand il y a des innovations, bah, ça profitera après au privé, ce qui a été le cas pour l'iPhone, qui profite aujourd'hui à Apple, ou les innovations que Elon Musk vont faire et qui vont lui profiter. Mais au tout début, vous avez quand même de l'argent public qui inonde et qui irrigue tout ça. Donc, c'est absolument nécessaire que la force publique soit derrière et qu'elle y soit de manière franche. L'Instant Porcher, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le média est indépendant et n'existe que grâce à vous. Alors n'hésitez pas à devenir sociaux ou à faire un don. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Où le ciel et la mer se ressemblent, et vêtue de soleil et noyée de bleu tendre, et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les a fait, elle et lui, comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante, un chant pur et fraternel dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas, un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage. Elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous, où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière, où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage. Dans la mer et dans le ciel de ma patrie. J'ai dit merci président, c'est un rapport utile qui nous est présenté et je pense le voter, tout en mesurant d'avance la limite qui est que le pouvoir dans notre pays et dans les autres pays ne feront strictement rien pour changer une situation qui s'est dégradée malgré nos protestations. Car il ne faudrait pas dire ici que personne n'a protesté, parce que ce n'est pas le cas. Vous rappeliez à l'instant notre triste sort de député européen. J'ai été deux fois député européen et je me souviens que nous n'obtenions pas les textes en français, y compris ceux qui étaient modifiés dans le cours de la nuit et sur lesquels on devait se prononcer dans les rolling votes, n'est-ce pas, le lendemain matin. Et il était impossible d'obtenir les textes en français. Donc la première des observations à faire, c'est qu'au niveau européen, l'usage abusif de l'anglais aboutit à un déni de démocratie. Parce que tout le monde ne parle pas la langue anglaise et tout le monde n'a pas envie de le parler. C'est mon cas. Je refuse systématiquement de m'exprimer en anglais parce que je considère que c'est une imposition qui m'est faite, mais j'accepte de parler dans une autre langue, l'espagnol, et j'ai appris à le parler couramment. Et je voudrais faire remarquer que l'usage d'une langue, on a dit à l'instant, est porteur aussi d'un modèle de civilisation, de société, de préoccupation. C'est une évidence. Pourquoi nous, Français, n'en tirons-nous pas toutes les leçons? Ce qui est certain, c'est que l'organisation de l'Union européenne aujourd'hui, c'est la langue anglaise plus les directeurs de service allemands. Au Parlement européen, il n'y a plus un seul Français directeur de service, et ainsi de suite. Par conséquent, ça a un sens politique. Faire parler anglais tout le monde, c'est visser au corps des États-Unis d'Amérique toutes les nations d'Europe. Ça n'a pas d'autre signification ni d'autre portée que celle-ci. Et c'est tellement vrai et tellement stupide que je permettrai de faire remarquer que l'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis d'Amérique et que jamais ils n'ont pu avoir une langue officielle puisqu'ils s'en parlaient beaucoup et qu'il est à peu près certain que dans les 50-60 années qui viennent, la langue la plus parlée aux États-Unis d'Amérique ne sera pas l'anglais, mais l'espagnol. Quoique, aujourd'hui, 96% des Nord-Américains parlent l'anglais. Donc tout ça est mouvant et épouse les changements du monde. Y voir une espèce de fatalité, ce n'est rien d'autre qu'un choix politique, tout aussi politique que le choix d'imposer l'anglais à tout le monde. Tout ça a un sens politique et ne cessera d'avoir un sens politique. Alors, un des arguments, si vous me permettez, collègue, à faire valoir pour le rapport, pourrait être le suivant. Ce n'est pas que nous, Français, chercherions à nous enfermer dans notre langue maternelle et bien-aimée. C'est que nous voulons que l'Europe parle au monde, si jamais ça l'intéresse. Et pour parler peut-être d'autre chose que de business, mais enfin, de parler au monde. Et si on veut parler au monde, alors il faut parler les langues qui se parlent dans le monde. Et pas forcément les langues que certains parlent seulement et pas d'autres. Or, les langues qui se parlent dans le monde, c'est notamment le français, puisque le français est la langue officielle de 29 nations. C'est donc une langue commune, ce n'est pas juste la langue des Français. Il en va de même pour l'hispanophonie, qui est parlée par, alors nous c'est à peu près 300 millions de personnes dans le monde, l'hispanophonie c'est 500 millions de personnes dans le monde, et naturellement je me permets de rappeler que la première langue qui se parle dans le monde, c'est le chinois, et que la première langue qui s'est parlée en Europe pendant fort longtemps et encore maintenant, c'est le russe. Donc, parler au monde, c'est parler les langues qui se parlent le plus dans le monde. À cet égard, je finirai là-dessus, les Français sont fort mal placés si eux-mêmes cèdent. Le président de la République française ne doit pas s'exprimer en anglais. Ce n'est pas la langue des Français. Et tous les Français doivent pouvoir comprendre continuellement ce que dit la personne qui les représente, quelle qu'elle soit. Donc il ne doit pas parler en anglais. Et j'espère que pendant toute la période de la présidence, il ne parlera rien d'autre que le français, parce que c'est la condition pour qu'on comprenne ce qu'il dit. Ensuite, je voudrais profiter pour dénoncer la manière avec laquelle a évolué la francophonie, avoir désigné tout seul à l'Élysée, le secrétaire général de la francophonie, une rwandaise qui parle anglais, tenir le sommet des villes francophones au Rwanda avec un seul article qui en rende compte en anglais, c'est soi-même annoncer que l'on a capitulé, et je le déplore. Voilà ce que j'avais à dire au milieu de bien d'autres choses. Excusez-moi pour la longueur de mon propos. La presse. Eh bien, par exemple, vendredi 3 décembre 2021, Vosges Matin, primaire LR, la droite vosgienne reporte son choix sur Valérie Pécresse. Alors, le député Viry, il s'était prononcé pour Valérie Pécresse, Stéphane Viry. Eh bien, vraisemblablement, il sera ministre dans le gouvernement de Valérie Pécresse, si Valérie Pécresse est élue. Ah, parce que il y a d'autres candidats aussi qui sont pas de droite. Vous vous rendez compte, la droite, ça existe encore en 2021 en France, pays hautement civilisé, très avancé dans tous les domaines de la. Eh ben oui, eh oui, ça existe encore. Bon, plus pour longtemps maintenant, mais les Français vont devenir de plus en plus raisonnables. Ils vont raisonner de plus en plus. Ils vont faire de plus en plus usage de la raison. Alors, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, réforme de l'assurance chômage de Macron, sous maltraitance sociale. Un chômeur sur deux seulement indemnisé. Pour eux, ce sera plus de précarité. En face, un emploi vacant pour 21 chômeurs dans le pays. Alors il dit, lui, Jean-Luc Mélenchon, si je suis président en 2022, on luttera contre le chômage, pas contre les chômeurs. On luttera contre le chômage, pas contre les chômeurs. Covid-19, de 50 à 220 cas en l'espace de 15 jours. Ouais, ben oui, ça continue. Ça continue. Alors, est-ce que ça fera gagner la droite? Est-ce que ça fera gagner la gauche? Le Covid, est-ce que ça jouera un rôle? Est-ce que ça a joué un rôle sur le plan politique, cette maladie-là? Bon, à vous de voir. Hein. Comprendre les directives anticipées avant de mourir. La conférence régionale de la santé et de l'autonomie du Grand Est proposait lundi soir une séance d'information sur les directives anticipées. Bruno Pi, spécialiste du droit de la santé à Nancy, et Gérard Audibert, professeur de médecine au CHRU de Nancy, ont présenté le dispositif SFI. Voilà, alors Congrès LR, les Lorrains invités à choisir leur champion, eh bien c'est fait. Hein. Voilà, on va voir ce que sera la suite. S'il y aura une suite, ben oui, bien sûr qu'il y aura une suite. Hein. À moins qu'une centrale nucléaire, quelque part, vienne à se dérégler quelque peu et réduise à néant une bonne partie de la population française et donc des électeurs. Et... Mais non, bah, c'est la fiction pure. Hein. Ah oui. La belle action de Garnier Thiébault pour Notre-Dame de Paris. L'entreprise Gérard Armé a remis ce mardi à Paris un chèque de 41 400 euros à la Fondation Notre-Dame pour participer au financement de la reconstruction de la cathédrale. Un acte de générosité dû à la fabrication de torchons, spécialement dédiés à cette cause. J'espère que c'est pas de l'humour involontaire, hein. Joséphine Baker, une femme libre au Panthéon. La franco-américaine Joséphine Baker est devenue mardi la première femme noire à entrer au Panthéon lors d'une cérémonie qui a célébré une vie placée sous le signe de la quête de liberté et de justice. Voilà, Joséphine Baker, alors qui s'appelait Joséphine Baker à sa naissance et puis qui a choisi de s'appeler Joséphine Baker quand elle est devenue française. Et elle est entrée dans la résistance. Voilà. Comme à peu près 3% des Français nés en France. Hein, à peu près 3%. Hmm, ouais. Bon, il y a eu 3% qui sont entrés aussi dans la collaboration. À peu près, hein, oui. Mais il y a quand même eu 3% de résistants. Ouais. Hein, mais les Français, oui. Les Français peuvent être résistants quand ils veulent. Le cardinal de Nancy, deux points. Un juste qui a sauvé des Juifs. Alors je suis content qu'une certaine justice lui soit rendue, peut-être que ce titre réactivera une forme de mémoire endormie. Ouais, le cardinal Eugène Tisserand, originaire de Nancy, qui a œuvré 60 ans durant au cœur du pouvoir central de l'Église à Rome, bras droit du pape, vient de se voir décerner le titre de juste parmi les nations pour avoir caché des Juifs chez lui et au Vatican, secret que même son petit-neveu ignorait. Alors, le cardinal Tisserand, j'ai entendu parler de lui à une autre occasion, par Roger Collet, qui a écrit un livre sur Jeanne d'Orléans, celle qu'on appelle un peu partout Jeanne d'Arc, qui n'était pas en fait la fille de Jacques d'Arc, qui était en fait la fille du duc d'Orléans et de la reine de France. Et lorsqu'il rédigeait son livre, Roger Collet avait besoin de consulter des archives. Et il y avait une archive qu'il voulait absolument consulter. C'est un livre qui se trouve au Vatican, dans la bibliothèque du Vatican. Le livre qui permet de savoir exactement les propos qui ont été tenus lors du procès de Jeanne d'Arc, enfin d'Orléans, comme vous voudrez. Et Roger Collet avait rencontré le cardinal Tisserand et lui avait demandé de lui prêter, de lui laisser consulter le livre en question. Alors le cardinal Tisserand a répondu à Roger Collet que lui, lui prêterait volontiers ce livre, mais qu'on lui interdisait de le sortir de la bibliothèque du Vatican. Ben oui, parce que ouais, ça aurait fait héberger une certaine vérité qui, voilà, hein, le livre de Poitiers. Hein, voilà. Le vaccin pour tous des 5-15 ans dès janvier. Point d'interrogation. On verra, on saura. Hein, voilà. On verra ce que le Père Noël va apporter dans sa hôte. Alors ici, il y a deux pages qui se sont remêlées, deux feuillets. Alors, on va démêler. La santé mentale des enfants, plombée par la crise sanitaire. Les adultes sont fatigués, essorés. Les jeunes ne vont pas mieux. Le 20 novembre, la défenseure des droits, Claire Hédon, a signé un nouveau rapport alarmant sur leur état psychique intitulé « Santé mentale des enfants, le droit au bien-être ». Éric Zemmour se mue en candidat. Éric Zemmour a lancé son parti Reconquête. Reconquête avec un R majuscule et un point d'exclamation à la fin. Lors de son premier meeting de campagne, dimanche à Villepinte, près de Paris, environ 10 000 personnes étaient présentes, mais peu de soutien politique de poids. Alors, les caméramans de la télévision, qui ont été un peu malmenés parfois par Éric Zemmour, se sont un peu vengés en montrant que la grande salle était en partie pleine, mais qu'il y avait quand même quelques groupes de rangées de sièges qui étaient vides. Hein, donc voilà. Alors l'extrême droite, on la dégage. Les antifascistes de la Jeune Garde, en tête de cortège derrière la CGT, solidaire des associations de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, même droit au logement, et une poignée de gilets jaunes à Paris. La mobilisation contre l'extrême droite dimanche après-midi a réuni 8000 personnes selon les organisateurs. Jean-Luc Mélenchon, au combat avec son parlement de campagne. Assez d'hésitation, au combat. Jean-Luc Mélenchon a mobilisé dimanche à la Défense, dans les Hauts-de-Seine, ses militants face à la droite et à l'extrême droite. Il veut montrer qu'il peut faire l'union via son parlement de campagne. Alors, un peu plus loin, Mélenchon a donc lancé dimanche son parlement de l'Union populaire. Parlement de l'Union populaire. Voilà des mots qui sonnent bien. Reconversion dans les Vosges, des outils transco à la disposition des entreprises et salariés. Ensuite, entreprise encore, Eloi, S.A. Viry, une incroyable épopée vue par son fondateur Bernard Viry. Lundi 29 novembre à 18h30 avait lieu une conférence faite par Bernard Viry où il racontait Bernard Viry a gravi tous les échelons pour tour à tour fonder et diriger l'entreprise S.A. Viry à Éloi, puis devenir sur le tard architecte de renom en Chine, en France, mais aussi et surtout en Chine. Cette seconde vie, il l'amène à toute allure, ayant participé à des chantiers d'envergure à l'instar de la Tour de la Liberté à Saint-Dié, ou encore des verrières du Louvre. En Chine, il s'illustre également avec la conception de plusieurs ouvrages, notamment le Chang'an Bridge, à Pékin. Voilà. La boulangerie des Chanoines va éteindre son four à pain dimanche. Voilà. Encore, bon, c'est pas de la politique, hein. Non. Il y a des boulangeries qui ferment. Il y a 6 millions de chômeurs en France. Oui. Non. Bon, les boulangeries qui ferment, les chômeurs, c'est pas un signe que nos politiciens échouent complètement ou réussissent complètement, parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Hein. Si on se place du côté du peuple, eh bien, ces gens-là ont totalement échoué. Si on se place du point de vue des capitalistes, ils ont bien, mais totalement réussi. Les riches sont encore plus riches, toujours plus riches. Et les pauvres encore plus pauvres. À quoi sert la fibre et comment s'en équiper? Losange arrondit les angles. Ah, losange arrondit les angles. Et voilà un cours de géométrie. Pour un joyeux Noël aux plus démunis. C'est dans la boîte. Alors là, je m'en tiendrai au titre, c'est pareil. Hein. Joyeux Noël, hein, d'un côté, sur un plateau de la balance, et plus démunis sur l'autre plateau de la balance. Alors, pourquoi y a-t-il des démunis? Au profit de qui? Pourquoi y a-t-il des démunis? Au profit de qui? Saint-Gobain, Pont-à-Mousson. L'intersyndicale veut arrêter les hauts fourneaux. Oh! Une intersyndicale qui veut fermer une entreprise. Alors cette intersyndicale, hein, c'est écrit intersyndicale dans le titre, hein, en lettres de 12 mm de haut à peu près. Eh bien, cette intersyndicale, elle se compose de la CFDT, CFE-CGC et CFTC. Bon, est-ce que... Bon, ce sont des syndicats, paraît-il. Enfin, c'est ce qui est écrit dans le journal. Des fours à arc électrique. Ah, ben voilà pour les centrales nucléaires. Bon, avant d'admettre que cette nouvelle technique pourrait générer la perte de 150 emplois, Didier Rivelois, porte-parole de l'intersyndicale, rappelle notamment qu'aujourd'hui, 60% de nos raccords sont fabriqués en Chine. Et pourquoi donc ? A-t-on fait fabriquer ailleurs ce qu'on fabriquait nous-mêmes ici ? Pourquoi donc ? Qui a pris la responsabilité de faire ce genre d'action économique, sociale ? Hein ? Qui donc ? Qui est responsable ? Ah, il faut les trouver les responsables et les faire, leur faire payer la facture. Épidémie de Covid-19, hôpital, plus de lits et de postes. Quelques milliers de personnes ont défilé samedi près du ministère de la Santé à Paris pour réclamer l'arrêt des fermetures de lits dans les hôpitaux publics et de meilleures conditions de travail pour les soignants. Voilà, voilà, voilà, voilà. Il y avait 6000 personnes environ, d'après... Bon. On nous, d'après le journal, on nous en demande toujours plus avec toujours moins de moyens. C'est ce que disent les employés des hôpitaux, le personnel médical qui en a marre de cette situation qui n'a pas arrêté de se dégrader depuis une bonne vingtaine d'années. On a rogné, et de pire en pire et de plus en plus. Thirier, Vosges, Thirier fait tomber M6 pour dénigrement. La chaîne de télévision M6, qui devra rembourser 300 000 euros de dommages et intérêts auprès de la société vosgienne de produits surgelés Thirier. Une condamnation prononcée par la cour d'appel de Nancy pour des faits de dénigrement effectués dans le cadre d'un reportage diffusé dans le journal le 19h45 au cours de l'automne 2018. Ah, ah, ah, ah. Tiens, tiens, tiens. Si les capitalistes se font la guerre, et on a peut-être de l'espoir que les choses s'améliorent.